Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 7e numéro de la FCast qui va mettre à l'honneur un petit peu l'E3 qui s'est passé il y a maintenant un mois. Donc on va essayer de faire un petit peu notre bilan, nos retours sur cet événement phare de l'industrie du jeu vidéo. Et pour l'occasion, je suis accompagné de Duncan. Salut Duncan. Salut. Ça va ? Ça va. Souffre un peu de la chaleur, mais ça va. La question, c'est devenu une tradition depuis le dernier numéro. À quoi est-ce que tu joues en ce moment ? Pas grand-chose, moi, vu que je viens de déménager, donc niveau jeu, ça a été un peu difficile. Non, je me suis un peu laissé emporter par la vague Dota Auto Chess. Je joue un peu à Dota Underlord sur Steam, voilà. C'est accessible, ça a l'air sympa, à voir sur la durée, comment ça va se développer. Quel que soit le studio, parce qu'on a Dota Underlord chez Valve, on a les créateurs de Dota Auto Chess qui vont créer leur propre jeu sur mobile, et on a, une version de Dota Auto Chess chez Riot. Ouais. Bon, comme c'est League of Legends, c'est le jeu en ce moment, je crois, qui est le plus joué et plus visualisé sur Twitch. C'est ça. Voilà. Et Fabien aussi, qui nous rejoint pour parler de l'E3. Ça va à tous ? Ouais, ça va très bien. À quoi tu joues en ce moment, du coup ? Alors, j'ai changé de jeu. Déjà, j'ai repris Battle Chaser pour terminer. Donc, un RPG tour par tour sympa. Et donc, j'ai commencé un jeu qui est un peu dans l'actualité, parce que le 2 vient de sortir, ou va sortir, on est vraiment dans les jours de la sortie, c'est Dragon Quest Builders. Ok. Donc, j'ai commencé le premier, hein, j'ai bien avancé. Donc un équivalent, enfin ça reprend un peu le gameplay de Minecraft, mais vraiment scénarisé. Moi c'est un truc que j'aimais pas trop dans Minecraft, c'est que finalement on était assez trop libre. Alors c'est très bien, hein, mm-hmm. Mais moi pour ce gameplay-là, ça me plaisait bien d'avoir un contexte. Okay. Et or là je l'ai, et pour le coup c'est très sympa. Ouais, construire ton village, ton royaume, enfin ouais. Ça c'est découpé par chapitre, et chaque chapitre en fait il y a un royaume à reconstruire, enfin un royaume, un petit village où on va finalement regrouper des personnes, des PNJ qui vont venir se joindre à nous, et donc ça va attirer le mal. Voilà. Je m'adresse aux spécialistes Nintendo, mais si je me trompe pas, le premier Dragon Quest, l'idée de base c'était de reconstruire le royaume de Dragon Quest suite à l'un des jeux, ou juste avant l'un des jeux, parce que tu avais eu une catastrophe qui avait ravagé le monde. Ouais. Malheureusement, pas un Dragon grand méchant. Quest, c'est une licence que je connais assez peu. D'accord. Ils nous diront si on fait des erreurs ou pas. Ouais, carrément. Mais il me semble que l'idée c'était ça, après que le monde a été ravagé par un grand méchant emblématique de la saga, dans Dragon Quest 1, on reconstruit le royaume. En fait, c'est presque ça, parce qu'en fait, Dragon Quest 1, il y a cet ennemi principal, donc il s'appelle Lord Dragon, et il détruit le monde à la fin du 1. D'accord. Donc en fait, Dragon Quest Builders, ça suit plus ou moins l'histoire du 1. Ok. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ouais. Nickel. Et voilà. Et du coup, de mon côté, Alexis. Et en ce moment, je joue au Pokémon Go version Harry Potter qui s'appelle Wizard Unit. Vous avez pas suivi ça ? Pas du tout. En même temps, ça... Pokémon plus Harry Potter. Non. En gros, il y a. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il y a à peu près un an. Non, c'est pas le mélanger. C'est deux licences qui ne m'intéressent pas. Ouais. C'est tout. En gros, il y a à peu près un an et demi, a été annoncé par je ne sais plus qui la sortie d'un jeu Harry Potter façon Pokémon Go. Donc l'idée, c'est qu'on se balade dans la rue et qu'on peut faire un petit peu comme dans Pokémon Go, donc croiser d'autres joueurs, identifier des lieux d'intérêt où tu vas pouvoir collecter des choses, et ensuite choper des objets magiques, les récupérer pour les avoir dans ton inventaire. Donc si on te voit tenter de traverser un mur, c'est normal ? Exactement. Et pour le moment, je suis plutôt convaincu. Moi, j'avais pas mal joué à l'époque à Pokémon Go, que j'avais abandonné après un an quand même. Donc j'y avais joué pas mal de temps. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu fatigué. Et là, je suis très agréablement surpris par ce Wizard Unit qui fonctionne bien, qui corrige pas mal de défauts qu'avait à mon goût Pokémon Go. Après, voilà, on est sur un nouveau jeu, il y a encore des choses à perfectionner, mais je le trouve plutôt chouette. Si on habite en ville, hyper intéressant. Pour le moment, j'ai pas senti le besoin de débourser de l'argent dans le jeu. Et forcément, si on est fan de l'univers d'Harry Potter, je trouve le jeu plus riche en quêtes, etc., que ce que peut proposer un Pokémon Go. Même donc, la licence est assez adaptée. Complètement. Parce que vu que l'univers, c'est quand même, t'as un univers magique caché au milieu de notre univers réel, entre guillemets, la définition même du fantastique. Ouais. C'est vrai que cette idée de voyez le monde magique entre guillemets à travers votre téléphone, c'est plutôt une bonne. Ouais. Franchement, ça s'y prête bien avec la réalité augmentée et tout. Enfin, c'est plutôt cool. Bref, c'est à ça que je joue en ce moment en plus de des jeux habituels que je citais les semaines passées. C'est le même développeur que Pokémon Go ? Ouais, c'est fait par Niantic aussi. Ok. Après, c'est Niantic en partenariat avec. J'ai plus forcément en tête. Faudrait que je relance le jeu pour avoir ça. Bah déjà, c'est Warner qui est détenteur. Mais clairement, c'est sur exactement la même base que Pokémon Go. C'est basé sur un ancien jeu qui s'appelait je sais plus comment, où il fallait déjà aller en ville et trouver des espèces de portails, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est toujours basé sur la même chose. Donc les lieux où on pouvait ce qu'on appelait les Pokéstop dans Pokémon Go aujourd'hui sont localisés exactement au même endroit dans Harry Potter parce que c'est basé sur les mêmes collectes de données en quelque sorte. Okay. Donc ça va être des lieux culturels, historiques, artistiques. Donc ça va être l'église, le graffiti, la statue de ceci. Les sorciers dans l'église, tu cherches un peu la merde là. Alors, c'est pas là qu'on va trouver les sorciers, c'est plutôt là qu'on va pouvoir récolter des objets, etc. Et par contre, là où vont apparaître des éléments fantastiques, ça peut être un peu n'importe où, quoi. Mais franchement, c'est plutôt bien foutu. Alors moi, j'y ai assez peu joué, mais le peu que j'y ai joué, vraiment plutôt optimiste pour le moment. Mais les retours que j'ai des autres joueurs sont aussi assez enthousiasmants. J'ai notamment pas mal d'amis qui jouaient encore à Pokémon Go et qui, là, ont complètement lâché Pokémon Go pour passer sur Wizard Unit. Ok, ils ont switché. Donc, voilà. Ce que je vous propose, après cette longue intro, c'est que chacun présente une actu qu'il a marquée au cours du mois passé. Allez, vas-y, Duncan. Bon. Alors moi, ça va pas être, pour ceux qui me connaissent, ça va pas être une actualité très originale. Mais ça a été l'annonce, puis la mise en ligne, en tout cas en bêta privée pour le moment, de GOG Galaxy 2.0. Alors, suite à l'offensive, si on peut dire, de l'Epic Game Store, on se demandait comment CD Projekt Red allait réagir, parce que GOG en a quand même pris un coup, même si Epic, on voit clairement qu'il s'attaque surtout à Steam. Mais bon, dommage collatéral pour GOG. Du coup, on se demandait comment ils vont réagir. Moi, une des idées que j'avais en tête, c'est qu'ils annoncent Cyberpunk en exclusivité sur GOG, sur PC. De toute façon, ça aurait embêté personne, puisque le jeu est DRM free, donc ça aurait été tout bénéfice. Finalement, ça n'a pas été le cas. En même temps, c'est tout à leur honneur, parce que pour eux, ils veulent laisser libre choix aux joueurs. Donc voilà, chacun sera libre d'acheter le jeu où il souhaite. Alors, en réponse, eux, ils proposent GOG Galaxy. Alors, c'est pas une idée très original, parce que sur PC, il existe déjà un logiciel qui s'appelle Playnite, qui permet, grosso modo, de réunir ces différentes bibliothèques de jeux en un seul logiciel pour pouvoir les lancer à partir de là. Néanmoins, du côté de CD Projekt, on essaie de proposer quelque chose de plus abouti, de plus intéressant. Pour l'instant, c'est en bêta privée, il manque encore pas mal de fonctionnalités, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt agréable. Bon, après, ça dépend du lanceur, parce qu'ils sont plus ou moins libres. Donc, en gros, pour expliquer rapidement en pratique, on lance GOG Galaxy. Le premier truc, évidemment, c'est de se connecter à son compte GOG pour rapatrier toute sa bibliothèque de jeux. Et ensuite, on peut se connecter à son compte Steam, à son compte Ubisoft, donc Uplay, à son compte Electronic Arts, donc Origin, à son compte Epic, donc Epic Game Store, Blizzard, Xbox. Vu qu'avec l'E3, on en reviendra tout à l'heure, mais ils ont annoncé l'arrivée du Xbox Game Pass sur PC, quasiment tous les jeux, de toute façon, qui vont sortir, vont arriver sur PC. Donc, le compte Xbox, le compte PlayStation. Ok. C'est assez surprenant. Pas encore le compte Nintendo, mais à mon avis, ça va pas tarder. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, réunir toutes ces plateformes de jeux en une seule, réunir, si possible, ses amis aussi en une seule plateforme. Tu lances le logiciel, tu as plusieurs filtres, évidemment, suivant tes différentes plateformes. Tu choisis ton jeu, tu le lances. Il lance d'abord le lanceur du jeu en question, puis ensuite il lance le jeu. Et normalement, quand tout va bien, ça fonctionne très bien. Bon, il y a encore quelques couacs, notamment du côté d'Origine, mais bon, venant d'Electronic Arts, qui sont assez fermés. Ça ne m'étonne pas, j'ai essayé plusieurs fois de lancer un jeu à Origin, ça ne voulait pas se lancer. Bon, c'était pas dramatique. En revanche, avec les autres, Steam ou Blizzard, ça roule tout seul, c'est très agréable. Voilà. Alors, comme d'habitude avec GOG, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de passer par le logiciel, on peut toujours utiliser à l'ancienne, mais c'est quand même agréable de pouvoir passer par un seul logiciel. C'est d'autant plus agréable que tu peux carrément lancer l'installation à partir de GOG Galaxy. Mais voilà. Ça te demande quand même d'avoir, par exemple, le launcher Blizzard, Steam, etc. Oui, oui, ça te demande de les avoir. Alors, ils peuvent se connecter à ton compte, etc. Mais si, par exemple, tu veux lancer ou installer un jeu Steam, par exemple, faut que tu installes Steam. Faut que tu le configures en conséquence, quand même. Parce qu'au départ, j'allais dire, c'est Antoine qui va être heureux, parce que lui, ça le saoulait d'avoir plein de plateformes. Mais c'est notamment l'installation qui le saoulait, en fait. Ouais, mais une fois que t'as tout configuré, ça passe tout seul, en fait. Donc c'est ça qui est agréable. Le truc, en plus, c'est là que tu te rends compte que GOG a quand même pensé un petit peu à tout, c'est que t'as des petites options aussi, où fermer le lanceur GOG Galaxy quand tu lances le jeu. Donc tu te retrouves pas avec le lanceur GOG qui lance le lanceur Steam, qui lance le lanceur Uplay parce que t'as voulu lancer le dernier jeu Ubisoft. Voilà, il dit, on va les fermer les uns derrière les autres et c'est bon, c'est réglé. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Après comme j'ai dit, c'est encore en bêta privée. Le système de mise à jour, par exemple, si t'appuies sur un jeu qui vient de se mettre à jour, c'est Steam qui dit ah non, faut mettre le jeu à jour. Il se met à jour et tu dois le lancer. Bon, c'est pas encore parfait. Ça dépend évidemment des différentes plateformes, des différentes ouvertures, mais ça reste quand même sympa et agréable à utiliser. Bon. À mon avis, c'est un peu une première étape vers des solutions pour éviter d'avoir des multi-clients et des multi-comptes. Ouais, parce que pour le moment, moi, je trouve ça un peu gadget, sachant que déjà, je dis n'importe quoi, t'es sur un PC. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Windows, je tape le nom de mon jeu, je le lance, et hop. Oui. C'est vrai que c'est un peu gadget pour le moment, pour le moment, ça reste quand même. Mais effectivement, ça peut être un premier pas vers quelque chose de plus agréable à l'avenir. C'est ça. Après, est-ce que ça va aller complètement dans cette direction ? C'est vraiment ça. Ça dépend des différents studios, voilà, parce que depuis le succès de Steam, tout le monde veut avoir sa petite plateforme, son petit logiciel, en se disant c'est bon, on va rafler la mise. Personne n'y a réussi. Epic, tente sa chance. Malheureusement, ils sont hyper agressifs. Je suis pas sûr que sur la durée, ça tienne le coup. On verra. Voilà. Toi, ton actu du moment. Une actu un peu rétro, donc on va avoir droit à une nouvelle console mini dans le parc de consoles mini actuelles. Ouais. Déjà, il y a la Mega Drive Mini qui doit arriver, je crois, en septembre, si je ne me trompe pas, là où l'officiel de chez Sega. Ah, d'accord. Et donc, il y en a déjà plein depuis des années. Il y en a eu plein de chez AT Games, mais la qualité... Mais j'ai l'impression qu'elle ne fait pas trop parler, en fait, je suis assez étonné. En fait, je pense... Alors, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'en fait, la folie autour des consoles mini nostalgiques, etc., commence un petit peu à retomber, notamment avec la PlayStation Mini qui a quand même pas trop bien réussi son coup. En même temps, il faut dire qu'elle était absolument géniale. Hein. C'est ironique, hein, je précise. J'ai cru voir à certains endroits qu'elle était vendue à 5 ou 10 euros. Ouais, elle a vraiment, vraiment... C'était une catastrophe, cette PlayStation Mini. Quoi. C'est juste une catastrophe. Ouais. Et donc, effectivement, je pense que ça te fait un peu mauvaise pub à la console mini hors Nintendo. Ouais. C'est pareil, à la base c'est Nintendo qui voulait faire ça et encore c'était c'était le nombre limité de consoles, c'était vraiment le truc exceptionnel. Puis derrière, t'as eu la PlayStation Mini, t'as eu une Atari Mini, il y avait l'Atari, il y a Commodore aussi. Voilà, Commodore, enfin maintenant on est sur la vague nostalgie console mini. Ça n'a plus rien d'exceptionnel, c'est pas forcément très intéressant non plus. Je pense pas que beaucoup de monde soit intéressé par une Commodore Mini ou une Atari Mini. Ouais, c'est clairement des trucs de niche. Hein. Ouais. Et puis surtout Nintendo, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient sorti un ou deux jeux exclusifs. Ouais. Voilà, sur la Super NES, je crois que t'avais le Star Fox, je sais plus quel autre jeu. Non, et mine de rien, j'ai beau adorer les consoles Sega et notamment la Mega Drive. Les consoles Nintendo évoquent plus de choses à plus de monde, simplement parce qu'elles ont mieux marché à l'époque. En tout cas, en France. Oui. L'autre différence aussi, c'est que les jeux Mega Drive se sont beaucoup développés sur d'autres plateformes. Je veux dire, Nintendo est toujours resté chez Nintendo. Oui. Hormis émulateur sur PC, on met ça entre parenthèses, sur PC, tu ne vas pas trouver un seul jeu Nintendo. Sur PlayStation, tu ne vas pas trouver un seul jeu Nintendo. Sur Xbox, pareil. Par contre, tu as, c'est quoi la compile Sega Edge ? je crois. Tu l'as sur toutes les consoles, sur PC, etc. Et ça fait un moment, ça fait un moment qu'on... Même sur PS3, il y a eu les Sega Collection. Oui, voilà, sur PS3, ou sur PC, sur Steam, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'on a les Golden Axe, qu'on a les Shinobi, tout ça. Et je parle hors émulateur. Donc forcément, sortir une Mega Drive Mini, alors que tout le monde a déjà plus ou moins... ou même les plus récents, hein, si les plus récents ou une Switch, c'est pareil, il y a déjà pas mal de jeux Sega sur la Switch. Pourquoi ils vont aller chercher une Mega Drive Mini alors que bon, bah, leur Switch, ils la glissent dans le dock et puis ça y est, ils ont leur jeu. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un peu un catalogue de titres qui revient tout le temps dans les compilations. Moi, je pense que les gens ont un peu saturé de ces titres-là. Là où Nintendo a très bien joué le coup, c'est qu'ils ont joué la carte du exceptionnel. Voilà, c'est à durée limitée. Enfin, c'est à nombre de consoles limitées. Bah, notamment le Sonic. Le Sonic, on l'a vu, mais partout. Il est même ressorti sur mobile. Enfin, partout. Et du coup, tu voulais nous parler. Voilà. Et du coup, je voulais parler d'une autre console qui est bien plus méconnue en France. C'est la PC Engine. Ouais. Donc, une console qui est sortie à l'époque, au début 90, sur, comment dire, au Japon et aux États-Unis notamment. Jamais en France. Alors c'était une console, c'était une plateforme assez puissante quand même pour l'époque. On avait quand même des titres visuellement qui étaient vraiment bien plus performants que sur les consoles de l'époque, hein, Nintendo et Sega. PC Master Race. Moi en tête j'avais PC Kid. PC Kid par que exemple. J'adore. Voilà c'est ça. C'est un de mes jeux de plateforme préférés. C'est ça, c'est des titres comme ça en fait qu'on connaissait nous en France surtout sur borne d'arcade. Oui. PC Kid typiquement, moi je l'ai vu dans un bar pas loin d'ici. J'ai pu y jouer, mais à l'époque. Mais voilà, sur console, c'est sympa. Donc finalement, d'avoir une console comme celle-ci qui sort maintenant, ça permet aussi de voir un peu ce qui se faisait à l'époque et de pouvoir profiter un peu de ces titres-là sans passer par la case import. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Hein, c'est pas certain. Surtout qu'elle a un certain prix. Déjà, elle sort il y a encore un peu de temps à attendre parce qu'elle sort en mars 2020. Ouais. Elle sera vendue à 90€, donc l'équivalent de la Super NES. Après, quand tu vois le prix de la PC Engine et de ses dérivés, ça peut être une porte d'entrée pour certaines personnes. Là, ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser à une autre console qui, si elle sortait en version mini, pourrait... Neo Geo. La Neo Geo. Mais elle s'est déjà sortie. Il y a une Neo Geo. Je ne savais pas. Il y a une Neo Geo mini, en fait, qui n'a pas si bien fonctionné que ça. Ah bon? Non, parce qu'ils l'ont vendue dans une espèce de... C'était une sorte de petite cabine, voilà. Ouais. C'était en forme de borne d'arcade et pas en forme de Neo Geo de salon, en fait. Voilà. C'est un peu dommage. Bah, SNK, déjà, il y avait eu la Neo Geo Gold, X-Gold plutôt, qui n'était pas forcément extraordinaire non plus. Pourtant, une console mythique, la Neo Geo, même pour ceux qui ne l'ont pas eu. Moi, je trouve que ceux qui ont beaucoup critiqué la Neo Geo X-Gold, c'était vraiment des ultra-puristes. Ouais. Mais dans une démarche grand public, c'était une console qui était hyper chouette. Alors, effectivement, peut-être un peu chère, parce que c'était 200€ dans le plus gros pack premium. Mais il n'empêche que le produit était quand même hyper bien fini. Le fait de pouvoir avoir déjà à l'époque la console en mode portable et salon. Oui. En fait, c'était la Switch avant la Switch. Hein. Tu jouais dans le bus ou ailleurs à tes jeux Neo Geo, et ensuite tu clipsais ça dans un dock, et hop, ça passait sur la télé. Enfin, moi je la trouvais cool. Si, étant dit, il y a peut-être eu le même problème que les jeux Sega aussi, c'est que la plupart des jeux Neo Geo aussi sont ressortis sur pas mal de plateformes. Bah, pour moi, le plus gros défaut de la Neo Geo X-Gold, c'est que. Enfin, c'est à la fois une force et un défaut, c'est qu'ils ont sorti la console avec un catalogue de jeux préinstallé dessus, donc ce qui est cool, et il y avait la possibilité ensuite d'acheter des cartes SD pour ajouter des jeux. Sauf qu'au départ, ils ont vendu des jeux sur carte SD, mais à l'unité, plutôt que faire des espèces de packs avec plusieurs jeux. C'est pas malin, ça. Et en fait, les packs sont sortis un peu après, mais comme la console n'avait pas hyper bien marché, c'est sorti en très peu d'exemplaires, les prix ont flambé à cause de la spéculation, etc. Et finalement, les gens ont craqué leur Neo Geo X-Gold pour s'en servir comme une très belle console d'émulation, en quelque sorte. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour la PC Engine. Et donc, pour la PC Engine, donc Core Graphics Mini, donc il y aura 50 jeux, ce qui est pas mal, intégrés dans la console. Donc, ce sera moitié-moitié entre des jeux anglais et des jeux japonais. Donc, ce qui fait quand même un catalogue de jeux qui est hyper intéressant, 50. Par rapport à Nintendo, à chaque fois, on est entre 15 et 20, si je ne me trompe pas. Bah, c'est ça, c'est hyper intéressant. Sauf que là, tu auras peut-être la barrière de la langue. Il y aura la barrière de la langue. Si ce n'est pas traduit, autant les jeux anglais, moi, ça ne me dérange pas, les jeux japonais... Là, je pense qu'ils ne sont pas trop bêtes, ils vont mettre du versus... Ou si les jeux japonais sont peut-être sous-titrés, ou les textes en anglais. Alors, en fait, il y a beaucoup de jeux d'arcade, donc beaucoup de shmup, beaucoup de titres d'arcade sinon, type Bomberman 93, 94, par exemple, du R-Type, du Gradius. Après, il y a des Castlevania Rondo of Blood, qui est sympa. Mais tu vois, ça c'est cool, parce que c'est des jeux qui valent une fortune. Ah oui, oui. Et pour y jouer légalement, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. C'est ça. Par exemple, pour les fans de shmup, il y a Super Darius qui est vraiment sympa. Il y a du RPG aussi, avec Is. On a Inutopia. Et on a même le jeu de Kojima, Snatcher. J'adore. Voilà. Et là, il sera en anglais, du coup. Ouais. Ah, mais il n'a jamais été traduit, de toute façon. Hein, voilà. Mais voilà, on commence le call sur Mega CD, je crois que si, non c'est la version toujours... Alors, c'est l'adaptation des versions Mega CD. Je l'ai toujours vu en anglais, Snatcher. Ah oui. Jamais en français. Je sais plus. Je l'ai à la maison, il faudrait que je vois ça. Mais... C'est vrai que ça fera un plaisir de le refaire, celui-là, à l'occasion. Mais de mémoire, en plus, il va y avoir trois versions de la PC Engine Mini. Il y aura la version PC Engine, TurboGrafx et la troisième... Enfin, moi j'ai vu des visuels avec trois consoles mini. Tu penses que ça va être les trois proposées dans chaque marché? Parce que moi je me suis renseigné. Alors, ouais. Je suis pas sûr. Hein. Mais j'ai que la Core Graphics Mini en France. Mais je dois peut-être me tromper. Possible, hein. Ils ont peut-être fait une version par territoire. Hein. C'est probable. Il y a peut-être une version pour le Japon, une version pour l'Europe et une version pour. Ça me paraît quand même surprenant parce qu'on a quand même des jeux japonais, mais non traduits dans les versions françaises, quoi. Donc, ou européennes. Parce que. Mais j'ai vu ça passer. Rapidement, tu vois, c'est les PC Engine Mini seront disponibles en mars 2020. Donc, visiblement, là, il y en a trois. Et tu vois, là, j'ai la Core Graphics, la PC Engine Mini et la Turbo Graphics Mini. Tu vois. D'accord, ok, il y a trois. Après, est-ce qu'elles seront toutes commercialisées partout? Là, j'ai peut-être pas le temps de lire tout l'article, mais. Ouais. Mais en tout cas, plutôt. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et limite, je l'attends plus qu'une PS1 Mini, tu vois. Bah oui, parce que là on a un côté un petit peu unique, parce que c'est des titres qu'on n'a pas forcément connus, qu'on n'a pas forcément eu de la machine. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il sort. Avoir le prix 90. Ouais. Et elle sort en mars 2020. Ouais. Donc c'est une période où il y aura beaucoup. Lointain. Voilà, et puis il y aura beaucoup de sorties d'autres titres. Après, là clairement, on s'adresse à un public spécifique de gens. Ouais. Ils savent déjà à qui s'adressent. Ils vont pas vendre ça à mes parents, par exemple. C'est clairement pour un public un peu collectionneur, fan de rétro. Public de gamers, c'est même le grand public. Et, je suis pas sûr que. Et même chez les gamers, c'est ceux qui sont intéressés par les jeux d'arcade des années 90. Parce que peut-être que certains viennent de découvrir Snatcher de Kojima. Ouais, carrément. Ouais. Il y a encore quelques années, je le connaissais pas, hein. Snatcher, je l'ai découvert, notamment parce que j'aime la science-fiction. Il m'a dit, mais tu sais, Kojima, il a fait autre chose avant Metal Gear. Ouais, je me doute. Bah, essaye Snatcher. Ah ouais, ok, c'est cool. Ouais, j'ai bien aimé. Et l'ambiance est trop bien. Moi aussi, j'avais une petite ou même une grosse actu à traiter, et c'est parfait parce que c'est pas ce que vous avez sélectionné. Alors, c'est une actualité toute chaude parce que ça date d'hier ou d'avant-hier. Ouais. Enfin, au moment où vous écouterez, ça aura peut-être une semaine. Bah, c'est la Nintendo Switch Lite qui vient d'être annoncée. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Hein. Ouais. Bah, moi, j'étais assez étonné parce que je m'attendais à une annonce pendant l'E3, en fait. Ouais, mais enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs. Enfin, bon, je vais pas. Non, mais quand je dis étonné, c'est sur le moment de l'annonce. Non, non, je répondais à Fabien. Juste les rumeurs, elles traînent depuis la sortie de la console, et quand tout le monde a vu qu'elle se jouait très bien en mode portable, tout le monde a dit, Nintendo, tôt ou tard, vont sortir une version portable. À partir de là, les rumeurs, bon, je veux pas trop rentrer dans le débat, mais comment dire, à ce moment-là, moi aussi, j'ouvrais une chaîne YouTube, et chaque semaine, je disais, d'après mes sources, voilà, il y aura une Switch Mini. Alors, il y en a sans doute qui avaient leurs sources, etc. Hein, je généralise la chose. Mais bon, il y a des fois, moi, quand je voyais les rumeurs, c'était, Intel, enfin, je sais pas, c'est limite. Alors, le frère de mon copain, de mon beau-frère, de machin, je sais pas quoi, a dit que, ah bah, Nintendo a posé le brevet pour un nouveau truc, ou je sais pas, un nouveau bouton, enfin, tout ce que tu veux. Et derrière, ah bah, rumeur, la Switch Mini, plutôt, qu'on disait à l'époque, va arriver. Alors, au bout d'un moment, les rumeurs, voilà. Encore une fois, Nintendo a, entre guillemets, surpris plus dans le format de l'annonce que dans l'annonce elle-même. Moment aussi. Et le moment. Enfin, moi, ça m'a pas. Bah, entre deux, en fait, entre le 3 et le Tokyo Game Show. C'est ça. Moi, je pensais plutôt au Tokyo Game Show. C'est arrivé entre les deux. On attendait tous que. Ah non, ils vont l'annoncer pendant un salon. Non, comme d'habitude, en sobriété. une vidéo, pas de rumeur de Nintendo Direct ni rien non plus, parce que ça c'est pareil, on a l'habitude, on nous dit une semaine ou deux, ah va y avoir un Nintendo Direct, etc. Et tout le monde se dit, ah ça va être ça, ça va être ça. Va être ça, ça va être ça, puis finalement c'est jamais ça, ou alors c'est pas la bonne date, ou alors ça n'arrive pas, parce qu'il y en a aussi qui basent des rumeurs sur le fait que, ah mais l'année dernière, à cette date, il y a eu un Nintendo Direct, donc il va en avoir un, enfin voilà. Donc encore une fois, Nintendo, j'aime bien ce côté Nintendo qui prend plus ou moins tout le monde à contre-pied en se disant, écoute, il n'y a pas de rumeur de Switch Mini en ce moment, on va poser notre vidéo, là, tranquille. Du coup, comme on l'a rapidement évoqué, c'est une console, donc un dérivé de la Nintendo Switch, mais qui a la particularité d'être uniquement une console portable. Donc, pour le moment, en tout cas, officiellement, pas possibilité de connecter ça à sa télé. Et pas possibilité non plus de retirer les Joy-Con, donc vraiment, c'est une console portable. Physiquement, elle ressemble à une Nintendo Switch, mais en un seul bloc, un peu façon PS Vita. Un peu plus petite, voilà. Ouais, avec un écran légèrement plus petit. Elle est plus petite globalement, comme l'écran est plus petit, il y a tout qui est resserré. Ouais. Moi, deux petites choses, je serais curieux quand même de savoir. Moi, la console, honnêtement, elle m'intéresse pas. Bon, en même temps, je suis pas le public visé non plus. Je suis plus intéressé par une version, entre guillemets, pro. Bon, là, c'est pareil, je pense que jusqu'à l'année prochaine, on va avoir des rumeurs. Ça a déjà commencé, de toute façon, parce que Nintendo a demandé l'autorisation de faire une nouvelle puce graphique, je crois, pour la Switch. Alors, est-ce que c'est juste pour les nouvelles fabrications de la Switch ou autre? Enfin, bon, t'as déjà des rumeurs de Nintendo Switch pro. Bon, je pense que ça arrivera dans l'année prochaine, je m'en doute. Voilà, encore une fois, je serais pas surpris quand ça arriverait. Je suis plus intéressé par ça. Mais deux petites choses. Le petit truc, moi, que je regrette, c'est quand j'ai vu la croix directionnelle. Ouais. J'aurais bien aimé une vraie croix directionnelle sur la Switch, moi. Les quatre boutons, ça me gonfle. J'aime pas les quatre boutons de la Switch. Du Joy-Con gauche, c'est quatre boutons à la place de la croix directionnelle. J'aurais préféré une vraie croix directionnelle. Voilà, ça, c'est personnel. Sinon, la seule petite chose qui m'intéresse d'un point de vue technique, justement, c'est est-ce que la non-possibilité de mettre la Switch sur la télé, ça sera physique? J'en doute, vu la façon dont la console est conçue. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en off, il y a la petite languette derrière qui me laisse penser que ça reste possible. Ou si c'est juste software. Et si c'est juste software, je trouverais ça un petit peu, comment dire, déplacé, parce que si c'est juste que on t'a rajouté un petit, alors en langage informatique, un petit booléen, en gros c'est oui ou non, voilà, si c'est une Switch Mini, oui, bon bah tu la diffuses pas sur la télé, si c'est juste un petit truc comme ça, ça serait dommage. Ouais. Voilà. Du coup, la console sortira en trois coloris, jaune, gris et turquoise, au prix de $199 aux États-Unis et chez nous 199€ du coup. Très certainement. Seule chose qui m'a un petit peu étonné, c'est le choix de la sortir après l'été et pas avant l'été. On sait que généralement l'été se prête bien aux jeux nomades. Ouais, mais justement, regarde les jeux qui arrivent. Oui. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, s'ils l'avaient sorti au mois de juin, ils étaient sûrs d'en vendre. Pour les enfants qui partent en vacances, oui, etc. Mais après septembre, c'est aussi avant Noël. Oui, non, moi c'est surtout par rapport aux jeux qui arrivent, quoi. Mm-hmm. On voit clairement déjà quand j'ai vu la couleur jaune, de toute façon, j'ai dit ça c'est la Switch Pokémon, si j'ose. Bon, même s'il y en aura une collector Pokémon, donc ça je l'ai vu venir de loin. Hein. Ils vont tabler sur Pokémon et sur le prochain Zelda, Link's Awakening. Link's Awakening. Je pense que c'est vraiment les deux jeux vraiment sur lesquels ils vont tabler parce qu'ils sont vraiment adaptés pour être en portable. Que ce soit Pokémon qui est de toute façon historiquement un jeu portable. Oui. Ça a toujours été sur une console portable de mémoire. À part des rares exceptions. Épisodes canons. Et Link. Rien que pour son aspect graphique, moi je trouve que déjà c'est adapté. De toute façon, c'est un jeu Game Boy déjà à la base. Oui. Donc un jeu portable. Et même le parti périgraphique, je trouve que c'est tout à fait adapté à du portable. Ouais, je pense qu'ils se sont vraiment dit, ces deux jeux-là, c'est vraiment ciblé portable, ciblé enfant. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils l'ont mis plutôt vers le dernier trimestre de l'année. Parce que, je caricature un peu, mais je les vois pas vendre avec Astral Chain, la Switch Mini, par exemple. Oui. Après, clairement, ça fait plusieurs mois qu'on a très bien compris que la 3DS était finie. plus de sorties de nouveaux jeux. Quelques années même, j'ai envie de dire. Ils ont quand même sorti quelques jeux un peu marquants l'année dernière. Là, pour cette année, c'est... J'ai presque envie de dire, c'est le moment de l'acheter. Hein. Si vous en avez pas. Moi, j'en ai pas, c'est presque... C'est clair qu'elle a un catalogue de jeux qui est monumental et vraiment génial. Quoi. Moi, qui en général, quand il y a une console qui m'intéresse pas forcément, ou pour différentes raisons, hein, la PS4, par exemple, je sais qu'elle fait énormément de bruit, c'est pour ça que je l'ai pas acheté, ou voilà. Moi, je me dis, si la la 3DS, 2DS, etc., on va sur le déclin, je me dis, c'est le moment de m'acheter une petite New 2DS, en sachant que c'est rétro-compatible jusqu'à la DS, ça fait un catalogue de jeux de malade. Je sais que j'aurai toujours quelque chose à jouer là-dessus. Je me dis, ouais, c'est peut-être le moment d'en prendre une. Carrément. Plus la Switch Mini ne m'intéresse pas. Bon, pourquoi pas ? Seule chose que je rajouterais, c'est que pour le moment, on a le sentiment que la communauté n'est pas forcément ultra fan de la Switch Lite. Moi, ce que je pense, c'est que les gens qu'on entend, clairement, ne sont pas le public ciblé. Ça avait déjà été le cas à l'époque avec la 2DS, tout le monde disait « Ah, c'était bien, et finalement, elle s'est très bien vendue. » C'est ce qu'on disait dans je ne sais plus quel livecast, qu'on parlait déjà de la... je crois qu'on parlait de... C'était celui sur le dématérialisé. Oui. Tout dématérialisé, et qu'on parlait déjà de la Switch Mini, et qu'on disait déjà « Mais c'est pas... Nous, on n'est pas, entre guillemets, le public cible. C'est bien vraiment sûr. Les enfants... » qui vont, c'est pareil, c'est pas pour rien qu'elle est en un seul morceau, la Switch, elle va être beaucoup plus solide comme bien ça. Sûr. Si vous avez une Switch entre les mains, a priori, le fait que ça bouge un peu, c'est normal, hein, parce que justement, si c'est tout rigide, ça a plus de risque de casser que si ça bouge un peu, ça casse moins, ok? Mais, même si c'est une très bonne console, tu sens que t'as quand même un bon produit entre les mains, c'est sûr que d'un bloc, ça va tout de suite la rendre beaucoup plus solide. C'est clair. En plus, j'ai vu quand même un petit truc, un petit détail aussi, c'est la façon dont est mis l'écran. J'ai l'impression que c'est un peu creusé ou je sais pas quoi. Okay. Est-ce qu'ils ont rajouté une petite couche par-dessus pour protéger l'écran? Je crois qu'ils avaient fait plus ou moins ça avec la 2DS aussi, où c'était un écran qui était plus solide. Voilà. Donc voilà, s'ils ont rendu la console plus solide dans son ensemble, voilà, c'est clairement la console adressée aux enfants. Typiquement, de toute façon, tu regardes la publicité, la petite vidéo qu'ils ont mise, c'est enfant, adolescent. C'est clairement pas les premières présentations de la Nintendo Switch avec le jeune adulte ou l'adulte qui promène son chien avec la Switch à la main, etc. C'est clairement pas le même public. Après, je crois que c'est dans la version américaine, parce que je crois que moi j'ai vu le trailer en anglais. C'est avec des mecs qui font du skateboard, etc. Oui, j'ai vu aussi, c'est vrai. Du coup, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est que on peut jouer entre Switch Lite et Switch classique. Heureusement. En gros, l'idée, c'est de faire du jeu en réseau local, un peu comme. J'ai presque envie de dire, en gros, c'est un petit truc qui m'a fait sourire. C'est pas une critique, mais aussi sur divers forums, j'ai lu. Ouais, mais c'est une Switch qui n'est plus une Switch parce qu'on peut plus la passer du portable. Oui, c'est vrai qu'en soi le nom, télé. Ouais. Mais j'ai bien aimé la petite. Enfin, pour moi, c'est la réponse de Nintendo à la fin du trailer quand ils disent on propose une nouvelle manière de jouer. Donc ils restent dans le thème de la Switch en proposant une nouvelle manière de jouer à la Switch. Carrément. On passe rapidement au coup de cœur et éventuel coup de gueule. Qui veut commencer ? Ah, c'est encore pour moi ? Bon. Non, c'est pour moi. Ah, vas-y. On commence par ton coup de gueule pour changer. Voilà, je fais un coup de gueule ces mois-ci. Je suis souvent abonné au coup de cœur. Là, ce coup-ci, c'est plutôt un coup de gueule. Ouais. Alors, c'est un titre que certains attendent depuis des années. Donc, c'est de Shenmue 3. Ouais. Le fameux serpent de mer. Qui s'est présenté à l'E3 cette année. Donc, on pourra en reparler potentiellement tout à l'heure. Rapidement. Je ne l'ai même pas mis dans les jeux marquants. Mais il est clairement... Ah si, il a marqué, mais dans le mauvais sens. Ouais, tout le monde en a... En fait, le développement était déjà un petit peu vaporeux, on ne savait pas trop où ça allait. Et donc là, il y a eu une démo jouable présentée lors de l'E3, et il s'avérait que c'était vraiment assez alarmant, surtout au niveau réalisation graphique. Pour dire les choses clairement, c'est la suite de Shenmue 2 à l'époque, au début des années 2000. C'est comme s'il l'avait ressorti du grenier. Et on vous présente le jeu tel qu'on l'aurait fait à l'époque. Le problème, c'est ça va être l'objet de ton coup de gueule, c'est le financement. Oui. C'est pas du tout à la hauteur du financement qu'il y a Et même, entre-temps, les joueurs ont joué pendant 20 ans et ils veulent plus jouer comme on jouait en 99. C'est Yakuza, le fils, entre guillemets, spirituel de Shenmue. Depuis, ils ont joué à Yakuza, les gens, bien sûr. La plupart du temps. Voilà, mais moi je pense m'arrêter surtout là pour la partie E3, parce que finalement on n'avait pas encore vu de partie jouable, véritablement. Et là, on s'est rendu compte de l'état des lieux, et d'ailleurs, le nouveau report du jeu en termes de date de sortie n'est pas pour rien, c'est vraiment un problème. C'est souvent le risque avec des jeux qui sont aussi attendus, etc., c'est que c'est presque toujours des pétards mouillés, en fait, ces histoires-là. Ouais. Ça a été le cas à l'époque avec Duke Nukem, qui était hyper attendu, etc. Voilà. Voilà. Ouais, quand je vois les visages en face de moi, clairement, est-ce que c'est pas le risque? Est-ce qu'on ne devrait pas accepter au bout d'un moment que non, on n'aura pas de suite? Je préfère ne pas avoir de suite qu'avoir une suite ratée, quoi. Ça se vaut. Après, le truc que j'ai vu, ça aurait pu être un titre qui aurait pu sauver un peu les meubles en allant plus loin sur l'histoire. Or, ce que j'avais lu, c'est que ça irait, ça avancerait pas beaucoup avancé. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment le coup de massue, parce que voilà, moi j'étais parti dans l'idée que bon, si c'est le Shenmue entre guillemets de l'époque en termes d'animation, gameplay, etc., mais que j'ai la suite de l'histoire, et que j'ai surtout la suite et la fin de l'histoire, ben voilà. Moi, je me suis bon, quitte à l'acheter un peu plus tard, parce que c'est vraiment pas un jeu que j'ai acheté à sa sortie dans tous les cas, je me suis dit, moi, j'accepterais. J'accepterais la chose dans cette optique-là. Mais quand je crois que c'est Yu Suzuki, oui. Voilà, débarque et dit, ah mais non, en fait, on sera juste, même pas à la moitié, je crois, ouais. de l'histoire globale. Dis, non, mais c'est pas la peine, quoi. Tu te fous de moi. Non, et puis à côté, t'as Square Enix avec son Final Fantasy, ça sera juste sur Midgar. Quand on connaît le jeu, tu te dis, mais attends, combien de versions de Final Fantasy, entre guillemets, remake, vont sortir plus, hein. Voilà. Donc non, là ça a été le coup de massue, le jeu, je suis pas prêt de l'acheter. Quoi. Ouais, c'est pas motivant, même au niveau graphique et surtout au niveau de l'histoire. On se demande un peu où est-ce qu'on va. Si on le prend, si on se fait chier sur l'histoire, et si en plus graphiquement il y a pas vraiment grand-chose à en tirer, on se demande vraiment l'intérêt. Surtout, il est où? Surtout ce qu'ils ont présenté, j'ai presque l'impression qu'ils ont pas présenté le bon morceau. C'est le début du jeu, donc on est ouais. Dans la vieille Chine. Mm. On est en campagne chinoise. Alors si vos souvenirs de Shenmue, c'est les bandes d'arcade, c'est vous promener dans la vie, etc. Bah non, là vous êtes en plein milieu de la campagne chinoise, votre bande d'arcade. Ouais. Donc ouais. Ça fait peur et on verra bien quand il sortira. Je crois que c'est en novembre maintenant qu'il devrait sortir. Donc en plein milieu des sorties de fin d'année, ça va être sympathique pour eux, pour les fêtes. Voilà. Duncan, toi, tu avais un coup de cœur, je crois. Alors, mon coup de cœur est un petit peu spécial, puisque c'est pour un site internet qui s'appelle PC Gaming Wiki. Alors, comment j'en suis arrivé là? Parce que l'histoire, je vais essayer de la faire rapide, mais elle est intéressante et devrait intéresser certains joueurs PC. PC Gaming Wiki, tout attaché. C'est un site anglais, donc comme son nom l'indique, de Wiki, qui regroupe tous les jeux PC. C'est pratique, il y a plus d'un titre, que ce soit pour les vieux jeux PC, des fois ils vous indiquent les patchs ou autres pour rendre le jeu compatible avec votre machine récente, comment installer certains modes HD par exemple aussi, vous indiquent l'adresse des patchs ou autres. Et surtout le plus intéressant, c'est qu'ils listent les plateformes où c'est disponible et si c'est DRM free ou pas. Ok. Alors comment j'en suis arrivé là? Je fais très vite. On m'a demandé est-ce que le jeu Kingdom New Land sur l'Epic Game Store, qui était offert à l'époque, était DRM free. N'étant pas sur... Alors j'ai un compte Epic, mais n'étant pas sur l'Epic Game Store, je ne savais pas répondre, donc du coup j'ai essayé. J'ai installé l'Epic Game Store, j'ai récupéré Kingdom, je l'ai installé, et j'ai vu que dans le dossier d'installation, bah, je l'ai déplacé sur un autre ordinateur, et ça marche, sans l'Epic Game Store. Alors déjà, très bonne nouvelle, et j'ai voulu en savoir plus. Alors ce que j'ai découvert, c'est que tous les jeux offerts sur l'Epic Game Store sont DRM free. Voilà, donc ça c'est une bonne chose à savoir pour ceux que ça intéresse. Et l'autre chose, en cherchant un peu, notamment via le forum Canard PC, c'est que j'ai découvert qu'il y a des jeux qu'on peut acheter sur l'Epic Game Store qui sont en exclusivité, notamment un titre dont tu as parlé dans le dernier podcast, qui est DRM Free. C'est Journée. Ah oui. Et il y en a d'autres. Alors, sauf multijoueur, évidemment, si tu veux jouer en multijoueur, il faut passer par l'Epic Game Store, mais en solo, tu peux y jouer en DRM Free. Et c'est là que j'ai découvert cette info via le site PC Gaming Wiki, qui justement regroupe tous les jeux. Comme c'est communautaire, il y a toujours un petit décalage avec les infos, etc. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc si vous voyez un jeu en promo, par exemple, sur Epic Game Store, sur Steam ou autre, vous posez des questions, etc., vous tapez le nom du jeu sur PC Gaming Wiki, vous allez voir s'il est disponible ailleurs en DRM free ou pas, ou s'il y a des petites choses à savoir. Plutôt que voilà. Ça. Ouais, mais je l'ai. T'inquiète, je bon, je voulais pas balancer un fou, mais je réfléchis à me remettre à faire des vidéos YouTube et j'ai envie de faire du rétro PC. Ok. Et j'ai une petite pile de jeux déjà. J'ai commencé par Blade Runner, c'est écrit. Je suis en train d'essayer de faire le montage, ça me prend un peu de temps parce que c'est la première vidéo. No One Line Forever est le prochain. Ok. Voilà. Parce que je le montrais justement à Duncan, c'est un titre qu'on a parlé il y a pas longtemps. Ouais, je les ai. J'ai No One Line Forever, Forever 2 et le Add-on. J'ai récupéré légalement. Je précise sur Price Ministère. Mm. Voilà, donc j'ai les vieilles boîtes et tout, ça fait vraiment plaisir. Après, pour la petite actualité, mais ça remonte à plus. Oh, ça remonte même à un an et demi. Comme la licence, on ne sait pas qui la possède, etc. Ça, c'est le problème des vieux jeux, des fois. On ne sait plus à qui ça appartient. Il y a une bande de fans, eux, qui ont repris le jeu et qui ont, comment dire, qui ont créé un exécutable, entre guillemets, tout le télécharge. C'est un abandonware, en fait. Mm. Tout télécharge sur Internet, compatible avec les machines récentes, adapté aux résolutions hautes récentes. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir rejouer à ces vieux jeux dans de très bonnes conditions. Donc, voilà. En tout cas, n'hésite pas à donner ta chaîne YouTube. Ça arrivera. Quand elle sera à nouveau remplie, parce que là, pour l'instant, il y a juste des vieilles vidéos dessus, pas intéressantes. Hein. Donc, je voulais faire une blague de PC, de joueur PC. Hein. Ce sera dispo quand When It's Done, quoi, c'est ça? Non, Valve Time. Non, je suis en train de travailler dessus. J'ai eu un déménagement entre temps, c'est tout, mais ça va arriver. Très bien. De mon côté, moi, j'avais un coup de cœur. Et mon coup de cœur du moment, c'est Overcooked. Ah oui. Que j'avais eu l'occasion de tester très très rapidement sur un événement. Le 1 ou le 2 ? Il y a quelques mois. Là, je suis sur le 1, parce que justement, il était offert sur l'Epic Game Store. Il est offert sur l'Epic Game Store, ouais. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques parties en local avec de la famille, et c'est vraiment top, quoi. C'est, pour moi, c'est complètement du jeu à l'ancienne, tu vois, où t'es à 4 dans un canapé, chacun une manette à la main, et... on joue ensemble, etc. On se marre. C'est ultra collaboratif. Parce qu'en gros, le principe, c'est que on doit préparer des plats et chacun va se charger de quelque chose. Il y en a un qui va découper les oignons, l'autre qui va déplacer les assiettes, l'autre cuire, l'autre nettoyer les assiettes, etc. Alors, présenté comme ça, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment un petit jeu ultra mignon. Ce qui fait tout le truc, c'est les niveaux. Ouais. Voilà, quand t'as un niveau, par exemple, qui se déroule sur deux camions et que les camions, ils bougent, là, tu te rends compte tout de suite que transférer les ingrédients d'un camion à un autre, ça devient tout de suite plus compliqué ou plus rigolo. Et c'est la communication, les uns avec les autres. Il y en a un qui va se rater, donc tout le monde va faire « Non, mais vas-y, va plus vite, on a besoin d'assiettes, va les nettoyer et tout. » Enfin, et là, c'est la panique, génial, quoi. Il y a le feu, ça y est, c'est le bordel. C'est top. Bref, c'est le petit jeu qui n'est plus gratuit en ce moment, parce que je crois que c'est un nouveau jeu. Là. C'est lequel en ce moment ? Torchlight. C'est Torchlight, oui. Alors lui, je crois que... Je dis ça à chaque fois, mais il y en a toujours qui ne l'ont pas, mais je crois que tout le monde l'a eu, parce qu'il a été proposé. Et la semaine prochaine, c'est Limbo. Bon, c'est pareil, je crois que celui-là, tout le monde l'a eu aussi. Ouais, mais bon, c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, en plus, son DRM free. Donc moi, Overcooked, je l'avais sur Steam, donc pas DRM free. Donc je ne me suis pas gêné pour le récupérer, l'installer dans un coin, et voilà, archiver. Et après, ce qui est cool, c'est que tu vois, par exemple, ici à la médiathèque, on a plein de petits jeunes de 13, 14 ans qui sont sur l'Epic Game vu qu'ils jouent à Fortnite, et du coup, ils chopent tous les petits jeux que eux n'ont jamais connus. Et en fait, y a des nouveaux publics qui jouent à ces jeux que nous, on connaît depuis quelques années. Moi, je suis surtout très content que ça a fait découvrir Subnautica à plein de monde, quoi. Ouais. Moi, ça a été mon gros coup de cœur de 2017. Il y a eu Enter the Gungeon aussi récemment. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, quand j'ai vu plein de gens qui parlaient de Subnautica, je dis, comment ça se fait? Ah, il est gratuit sur Epic Game Store. Ah ouais. Et pour revenir à Overcooked, vous le conseillerez sur quelle plateforme si on devait y jouer, découvrir aujourd'hui? Ah, moi, je dirais plus la Switch, c'est tellement adapté. Je trouve que tous ces petits jeux jouables en famille ou autre, c'est tellement adapté à la Switch. Overcooked, Towerfall, moi, c'est souvent Towerfall qui me revient en tête. Ah oui, Towerfall. Mais tous ces jeux-là, vraiment coopératifs ou familiaux, c'est vrai que là, je pense à la Switch. Le problème, c'est financièrement. Encore que la Switch, avec les promos qu'il y a à l'eShop, pour peu qu'on soit un peu patient... Ça peut très vite... Même en boîte, hein, ils ont pas mal baissé. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, là, moi, je l'ai sur PC. Ce qui est un peu galère, c'est que donc, j'ai branché le PC en HDMI sur une télé. On a les manettes qui sont branchées au PC. C'est quand même moins confortable que sur une console. Ok. Il faut reconnaître que la console est quand même... Bah, surtout que la Switch, déjà, t'as deux manettes dessus. J'ai envie de plus penser pour jouer à plusieurs en local. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, effectivement, c'est un jeu que je recommanderais plus sur console. Mm-hmm. Après, là, il est gratuit. Gratuit et sans DRM. Donc... Que demande le peuple, quoi. Voilà. On passe au débat, ça vous va? Au débat de sujet plutôt, je crois pas qu'on va débattre sur le 3. Ouais, après on est peut-être pas complètement d'accord sur tout, c'est ça qui est intéressant. L'idée là, allez, on se laisse à peu près une bonne heure pour discuter et revenir sur cette E3 2019. Moi, l'idée, c'était qu'on commence par chacun donner un petit peu son avis général sur l'E3. Déjà, est-ce que c'est un événement que vous attendiez? Moi, honnêtement, moins qu'avant. Ouais. Parce qu'on sent bien qu'on est sur un E3 d'entre générations. Je peux te poser une question. Depuis combien d'années, moins d'avant? Depuis quelques années déjà, ouais. Moi, c'est vraiment depuis l'année dernière. D'accord. Parce que moi, grosso modo, je dirais que c'est depuis l'annonce Xbox 360, PS3, où on avait une flambée de trailers, de jeux qui t'en mettaient plein les mirettes, qui sont jamais sortis. C'est vraiment à ce moment-là, moi, que j'ai décroché. Parce que comme tout le monde, j'étais ado, le 3, c'était les paillettes, les rêves, les paillettes, les bimbos aussi, hein, on va pas s'en cacher. C'était le numéro spécial de l'été, parce qu'à l'époque, t'avais, non, quand même pas, faut pas exagérer, mais à l'époque, t'avais le décalage aussi. T'avais le filtre de la presse. Et oui, effectivement. Ouais. Donc, le temps qu'ils finissent leur magazine, etc., tu y sortais juin-juillet. Donc, en juillet, t'avais ton numéro spécial d'été et puis t'avais l'E3 dedans. T'avais toutes tes infos, etc. Puis, quand on a commencé à voir vraiment ce que c'était, parce qu'à la base, c'est un salon presse, les premières conférences avec les chiffres de vente, etc., c'était absolument dégueulasse à regarder, franchement. Et mais t'avais encore le rêve derrière avec les trailers, etc. Et puis vraiment, quand on a eu l'époque, bon, ben on vous annonce la Xbox 360, la PlayStation 3, avec notamment la fameuse vidéo de Killzone 2, tout in-game, machin. Tu voyais à des kilomètres, c'était pas du tout le cas. C'était le moteur du jeu, il y avait aucun doute là-dessus. Mais c'était pas in-game, c'était pas le gameplay, c'était pas possible. Et voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là, moi, que le 3, j'ai complètement... J'ai presque envie de dire que c'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment la réalité du truc, et là que j'ai complètement décroché. Alors, cet E3, en fait, comment dire, l'E3 en général, je l'attendais pas plus que ça. Voilà, pour moi, c'est devenu un salon comme un autre. Je préfère la Gamescom, par exemple, je trouve plus intéressante. Néanmoins, la chose que j'attendais de l'E3, comme d'habitude depuis plusieurs années, et surtout depuis qu'ils se sont mis à faire du Nintendo Direct, c'est Nintendo, parce que je trouve leur format vraiment intéressant. Le Nintendo Direct en guise de conférence et la Treehouse pendant les 3 jours qui suivent avec du gameplay. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé. Au final. Okay. Moi, je suis moins fan du Treehouse. C'est surtout le format, t'as du gameplay. Ouais, mais c'est très long, on ne sait pas quand tu vas voir les annonces, c'est un peu compliqué à suivre, je trouve. Ah, il n'y a pas le programme, c'est ça? Ouais, et puis bon, finalement, tu à moins de passer son temps à avoir le live en route. Mais après, t'as le replay. Non, mais t'as les replays sur YouTube. Ouais, c'est ce que je fais. Et puis t'as la liste en dessous. Hein. Et donc, toi, tu disais que depuis aussi un petit peu de temps, t'étais un peu moins hypé, quoi. Ouais, ça fait pas autant de temps que Duncan. Mais moi, on va dire, c'est surtout depuis que je suis plus journaliste, en fait. Ouais. J'ai vraiment bien décroché. Donc, ça fait bien 2 ans. Maintenant, et effectivement, quand Duncan parlait un petit peu des E3 du passé, ça me rappelle une petite histoire rapide. C'est que le jour, j'ai fouillé un peu dans mes affaires, je suis tombé sur une cassette vidéo E3 98. Donc je l'ai remise juste pour rigoler. L'E3 d'Affleck. Et en fait, ça me rappelle qu'en fait, j'avais acheté un magazine pour avoir justement les trailers à l'époque, bon, parce que c'était beaucoup moins diffusé qu'aujourd'hui, évidemment. Et on voyait un peu des titres marquants qu'aujourd'hui on se dirait, ah ouais, il est sorti en 98, ok, d'accord. Des Tomb Raider 3, des Half-Life, des Oddworld, ouais, des StarCraft, etc. Et là, en fait, c'était que des titres. En fait, tout s'enchaînait. Et à chaque fois, tu dis, oh, nouvelle licence. Ça a l'air trop bien, c'est très différent, des gameplays très différents pour la plupart. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu moins ça. Je trouve. La grosse différence, c'est qu'à l'époque, comme j'ai dit, t'avais le filtre journalistique. Donc, ils te donnaient les infos intéressantes, etc. Ouais. Comme tu as décrit, ils te donnaient les trailers, le gameplay, etc. T'avais pas la présentation des mecs entre, etc. C'est vrai. Parce que à l'époque, c'était vraiment à destination des journalistes. Donc, t'avais même les mecs qui étaient là, qui te présentaient le concept du jeu, limite très techniquement. Le concept, etc. Et les journalistes, eux, ils récupéraient ce qui était intéressant et dans leurs articles, ils savaient qu'ils s'adressaient aux joueurs, au public. Mais tu vois, moi, il y a encore 5 ans, j'étais hypé de fou tous les ans pour l'E3. Je me couchais hyper tard pour regarder toutes les conférences, etc. Et cette année, l'année dernière, c'est plus le cas. Et à mon avis, c'est lié aussi à d'autres choses. C'est que maintenant, t'as tous les éditeurs qui font des pré-annonces avant l'E3. Ah, Ubisoft, spécialiste de... J'allais dire un truc, là, je vais m'arrêter tout de suite, sinon ça va falloir biper. Mais non, spécialiste de... Enfin, eux, putain, les mecs, on va vous faire plein d'annonces à l'E3. Ouais, bah, tu sais qu'un mois, 15 jours avant, de toute façon, tu les connais tous. Ça fuite. Ouais. Mais on... Et de toute manière, l'E3, même côté constructeur et éditeur, ça devient de moins en moins un événement important. Là, cette année, il y a Sony qui était absent. Oui. Il y a EA qui avait décidé de ne plus avoir de conférences et de diffuser un petit peu comme un Nintendo Direct. Ça fait 2 ans que Nintendo fait aussi du Nintendo Direct, 3 ans même. Bah, le salon a beaucoup changé en lui-même aussi. Quoi. Oui, et maintenant, c'est devenu un salon public un petit peu comme la Paris Games Week, et ça perd grandement d'intérêt. Parce que grosso modo, il y a eu 3 phases, si j'ose dire. Il y a eu l'ancienne phase, donc très destinée aux journalistes. Mais t'avais les babes à l'époque, quand même. Non, mais c'est vrai. Ensuite, tu as eu une grosse période creuse, donc j'irais époque Xbox 360, PS3 à peu près dans cette génération-là. C'est là où ils ont changé de lieu pour... Ils ont changé de lieu, ils ont retiré les bebs, c'était un lieu beaucoup plus petit, ils oui. avaient le truc était beaucoup plus rigide aussi, oui. C'était pas du tout ouvert au public, bon, c'était ça l'a jamais été, maintenant ça l'est, mais avant ça l'était pas. Enfin, il y a eu une espèce de période creuse où le salon ressemblait plus du tout au salon qu'on avait l'habitude. Et ensuite, on est revenu un peu un entre-deux. Donc on a de nouveau les paillettes, etc., surtout grâce aux conférences plus que le reste. Ouais. Mais on a perdu ce salon qui était... Mais ce salon, il est plus exceptionnel, en fait. C'est ça le problème. Ce n'est plus le salon exceptionnel. Même à l'époque, tu avais plusieurs salons. Moi, je me souviens surtout de le CTS de Londres, à l'époque. Mmh. Tu avais encore pas mal de salons aussi. Tu avais le salon de Paris, avant que Micromania s'en empare, etc. Oui. Mais tu avais un salon à Paris. Donc, c'est pareil, l'E3 était un salon parmi d'autres, mais c'était le salon, c'était le rendez-vous de l'année. Aujourd'hui, même si on en parle, parce qu'il y a toujours cette aura, mais dans les faits, ce n'est plus le rendez-vous de l'année. Ce n'est encore plus en Europe. Vous êtes intéressé par les jeux occidentaux, les jeux européens, c'est plus la Gamescom qu'il faut regarder, qu'il faut suivre plutôt que l'E3. Oui. Et pour les jeux 100% japonais, ça va plutôt être plutôt le TGS. Le Game Show. Et maintenant, Nintendo a donné la voie, parce que c'est pareil, on sent bien que Sony va se diriger vers son petit Sony Direct. Ils en ont déjà fait un, je crois. Plusieurs. Ouais. Plusieurs, même. C'est comment le nom, déjà ? EA s'est lancé là-dedans. Oui. EA va s'y lancer. Microsoft reste encore le... En même temps, c'est un salon américain, j'ai presque envie de dire que c'est normal qu'ils y restent très attachés. À ce salon. Alors Sony, c'est le State of Play, j'avais oublié que c'était ça. Ils en ont fait 2 éditions, ils vont vraiment s'orienter là-dessus, et c'est ce qui va faire que le salon va se ça s'appelle l'EA Play aussi. L'EA Play, ouais. Et le gros changement aussi, ça a été Internet, en fait, finalement. Ouais. Voilà, parce que maintenant, les éditeurs peuvent s'adresser directement. Ouais, mais il y a quand même une période où on avait Internet et l'E3, où justement, c'était hyper chouette, parce que tout le monde se retrouvait sur des streams, etc., pour regarder les conférences en direct. Chose qui perd en intérêt parce que maintenant, on nous balance des vidéos qui ont été tournées à l'avance. Certaines conférences, pas forcément très intéressantes parce qu'on connaît déjà sûrement, c'est toujours aussi des personnes qui viennent avec leurs textes pré-appris, etc. Ouais, par quelques exceptions, on en citera au moins une qui a marqué l'E3, voire une petite deuxième qui était vraiment, moi j'ai trouvé vraiment, entre guillemets, touchante, sympathique. Voilà, mais on n'a plus. La magie de l'E3, moi, je la ressens plus depuis plusieurs années. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Alors, c'est pas une vérité générale. Il y a encore plein de monde qui attendent avec hâte les E3, etc. Si vous êtes, entre guillemets, parce que je dis ça parce que je l'ai été aussi, mais vous êtes ado et que vous avez des étoiles dans les yeux à attendre le prochain E3, surtout le prochain, parce que là, ça va être l'annonce PS5, la nouvelle Xbox. Vous regardez ça avec, vous attendez ça avec impatience et tout. Je vous comprends. Moi, c'est plus du tout. Après, je me souviens, l'année dernière, tout le monde disait, non, mais cette année, c'est un E3 de transition. L'année prochaine, ça va envoyer du pâté. Pourtant, Et en fait, cette année, c'est la même chose. Cette année, c'est une année de transition. Et l'année prochaine, Pourtant, ça envoie pas du pâté. Tant que ça. Pourtant, pas tant que ça. Parce que, je te vois regarder la, ça me fait penser, en fait, à la liste que tu regardais juste avant qu'on commence à enregistrer. Mm-hmm. En termes de nombre de jeux, il y a eu quand même une tonne de jeux d'annoncés. Ah oui. Énormément. Donc finalement, E3 de transition, finalement, quand tu regardes, entre guillemets, je dis ça assez, comment dire, quand tu regardes brutalement les chiffres, t'as quand même eu pas mal d'annonces. Bah là, tu me fais la parfaite transition, parce que quantité de jeux, oui, mais combien de jeux inattendus et combien est-ce qu'on retient vraiment? C'est surtout ça. Et moi, la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette E3? Alors, ça peut être une conférence, mais aussi des jeux qui sont un petit peu sortis du lot, Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette E3? Moi, j'écarte, j'expliquais tout à l'heure en fait ce que j'attendais, donc j'écarte volontairement Nintendo, voilà, parce que finalement, c'est ce que j'ai le plus suivi. Qu'est-ce qui m'a marqué pour le reste? Bon, Keanu Reeves, c'est obligé. Ça, Keanu Reeves qui arrive pour présenter Cyberpunk, le mec, ils lui ont fait apprendre un texte en coulisses, etc. C'était censé être encore une présentation assez sobre, assez calculée et tout. Et le mec, t'as l'impression qu'il est arrivé, alors je sais pas si c'était le cas ou autre, je veux pas être insultant envers lui, mais t'as l'impression que le mec est arrivé à moitié bourré, je sais pas, peut-être qu'il buvait du champagne derrière, j'en sais rien, qui arrive, qui nous fait son show, limite totalement improvisé. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout ça qui est marquant. C'est pas tant le jeu, parce que le jeu on le connaît depuis quelques années. La grosse annonce finalement pour le jeu, ça a été la date de sortie plus la précommande. Et Keanu Reeves. Mais c'est Keanu Reeves quoi. Dans le jeu aussi. Voilà. Et dans le jeu. Mais moi, c'est la partie du trailer que j'ai préférée, c'est quand il enlève ses lunettes. Non, mais là, c'est surtout sur scène en fait, moi, qui m'a marqué. C'est You're breathtaking. Voilà. Surtout le coup sur scène, quoi. C'est ça qui m'a marqué. Voilà, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc je me souviens plus du nom de la développeuse, mais voilà, la développeuse qui est venue présenter son jeu qui se déroule à Tokyo, j'ai plus le nom en tête. Je suis désolé, c'est un jeu PlayStation et il me semble que c'était le salon Square Enix si je me trompe pas. J'ai noté un truc pour Square Enix, mais voilà, et elle est venue je veux dire, tu sentais qu'elle est venue, elle a parlé de son propre chef. Pareil, pas son texte ou autre, elle était libre. C'est pas le développeur qu'on invite pour. Ouais, vous voyez, on invite les développeurs qui viennent réciter son texte plus ou moins, parce que c'est pas son rôle non plus. Hein. Pas censé être sur scène, le mec qui se sent mieux derrière un ordinateur, si j'ose dire. Je caricature un peu exprès. Ah ouais. Bah on l'a vu avec c'était quoi, avec les Video Game Awards là, où ils ont invité les développeurs de. Mais je me demande si c'était pas le jeu français indé là. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Dead Cells. Dead Cells. Tu sentais que les mecs, alors déjà ils maîtrisaient pas complètement l'anglais, mais que les mecs c'est des devs. Ils sont pas là pour parler du jeu. Ils sont pas là pour parler de leur jeu. Puis eux quand ils en parlent, ils ont leurs termes techniques, etc. Ouais, c'est pas leur rôle. Donc voilà, on leur donne un texte pour des salons comme le 3 et tu le sens. Ouais. Tu le sens que ça sonne un peu faux, malgré toute la sympathie que tu peux avoir pour ce gars, que tu sais, qui, surtout dans ce milieu où on a toujours des affaires de crunch qui sortent régulièrement, etc. T'as de la sympathie pour ce gars, mais tu sais que ça sonne faux. Voilà. Et voir Keanu Reeves qui nous a fait son truc complètement décalé, ou cette développeuse qui parle de, tu sens que c'est elle qui a parlé, que c'est pas un texte ou autre. Ça fait plaisir. Mais tu retires ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste la déception Fallen Order. Voilà, le jeu Star Wars d'Electronic Arts. Oh, déception. Moi, je l'ai trouvé, comment dire. C'est subjectif, ça. Bah moi écoute, je l'ai trouvé sans âme, je l'ai trouvé comme les autres jeux, enfin c'est pas, m'a pas emballé ce jeu quoi. Toi, il y a des choses qui t'ont, que t'as un peu retenu de cette E3 ou... Alors justement, je suis en train de regarder les listes de jeux parce que finalement je l'ai suivi un peu de loin cette année. Ouais. J'étais clairement pas disponible devant l'ordinateur ce week-end là. Cela dit, j'ai retenu évidemment la conférence Nintendo qui était très intéressante sous pas mal d'annonces. Et également Square Enix qui m'a bien plu, notamment parce que bon, j'attends beaucoup le remake de FF7. Mais en fait, Square Enix, quand ils pensent, parce que moi je me suis dit la même chose, je me dis, t'écartes le FF7. Qu'est-ce qui reste? Rien en fait. C'est, on était tous contents parce qu'on a vu des belles images, etc. de FF7, mais après, ils ont annoncé un remaster de FF8, mais c'est un remaster. Ouais, non, mais le reste, c'était de la vieille soupe. C'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où personne n'y croyait, parce qu'on nous disait, ouais, mais on a paumé les fichiers sources de FF8, etc. Ouais. Ça pourra pas se faire et tout. Et puis là, ils nous disent, bon, bah, FF8, il arrive, remaster, etc., sur Switch, sur machin. Donc, ouais, t'es content, mais je veux dire, tu l'aurais appris n'importe quand dans l'année, ça aurait été pareil. Oui. Voilà. Ça, c'est le salon de l'E3, nous annonce FF8. Ouais, bon, ok, c'est cool, mais. Tu m'aurais annoncé avant, après, c'était pareil. De mon côté, tout à l'heure, je me suis prêté à l'exercice, je me suis dit, bah, je vais un peu préparer ce podcast et je vais noter sur une feuille qu'est-ce qui m'a marqué pendant l'E3. Et donc, t'as dit mal. Non, en fait, d'abord, j'ai mis Luigi Mansion 3. Oui, Nintendo. Ensuite, ouais, mais Nintendo, je t'ai dit, j'ai écarté Nintendo exprès, voilà. Et, Et au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, j'ai marqué que du Nintendo. J'ai mis Luigi Mansion 3, Link's Awakening, Trials of Mana, Fire Emblem, Breath of the Wild 2 qui a cassé Internet. Nintendo, ils t'ont, comment dire, ils t'ont annoncé, ah bah là, ils la deuxième année, quoi. Tous les jeux qui vont sortir durant la deuxième année, pour nos fans, etc. Tout balancé, Link, le gameplay de Link, Astral Chain, je l'ai noté aussi. Animal Crossing. Animal Crossing, voilà, là, il est pas là. Ouf, il va pas nous embêter avec ça trop longtemps. Et après, en fait, en regardant ailleurs, il y a que trois jeux qui sont ressortis. J'ai noté Gods and Monsters chez Ubisoft, mais en fait, comme derrière, t'as eu Breath of the Wild 2 qui a été annoncé, tu te dis mouais. Parce que pour ceux qui connaissent pas. C'est pas méchant, mais c'est Ubisoft. Et Ubisoft, moi, ces dernières années, ils m'enchantent pas du tout. Ouais, après, moi, j'ai trouvé le parti pris assez intéressant. Bah, en fait, on a vu des images d'un jeu qui s'appelle visiblement Gods and Monsters, qui fait quand même fortement penser à du Zelda Breath of the Wild. Ah oui, c'est ouais, bon, mais je l'ai. Mais c'est Ubisoft. Il l'a réchauffé. Hein. Mais sur le coup, bon, je me suis dit. Quand il voit une bonne idée ailleurs, il la récupère. Voilà, bon, ça. Après, moi, c'est le côté. Ça peut être un bon jeu. Les dieux là, ça avait l'air pas mal. Après, franchement, on a rien vu. Hein. Non. Mais je me suis dit, ok, intéressant. Sauf que derrière, on nous a annoncé Breath of the Wild 2, et donc j'avais oublié le. Est-ce qu'ils ont présenté, annoncé ou dit quelque chose sur leur jeu de pirate là? Parce que je sais que c'est un des rares jeux Ubisoft qui est très attendu par toute une communauté. J'ai pas suivi. Y a rien eu. Hein. Et l'autre jeu, c'est Roller Champions. Alors ça me dit rien là, tu vois. En gros, bah c'est aussi par Ubisoft et c'est un jeu qui m'a fait tout de suite penser au Motorball dans Gun. Ah oui. Wow, ça peut être sympa ça. Et en gros, c'est un jeu dans une espèce d'arène circulaire. Ouais, mais c'est Ubisoft, ça va pas être violent. Où t'es Et j'ai un petit peu regardé des retours parce que en gros, ils ont fait la conférence et ils ont dit bah d'ici quelques jours, il y a déjà une alpha du jeu qui peut être testée, etc. sur PS4, je crois. C'est une course ou c'est un jeu d'équipe? Je crois que c'est du solo. Il y a trois joueurs qui s'affrontent. J'ai pas compris. Parce que si c'est de la course entre guillemets, on rejoint Gun. Non, il y a aussi une balle en fait, un peu comme dans Gun. Là, on est plus proche de Rollerball. Enfin, moi, ça m'a fait penser au Motorball. Non, là, c'est un peu le cinéphile qui... J'ai pas vu Rollerball. Mais en tout cas, j'ai vu ça et je me suis dit, ça a l'air pas mal. En plus de ça, ça semble avoir des orientations un petit peu e-sport, etc. Ouais. Les premiers retours sur le jeu sont hyper positifs alors que c'est qu'une alpha. Oh, une bonne surprise de la part d'Ubisoft. Par contre, le risque, c'est que soit ça va bien marcher et ça peut faire un petit peu... comme un Rocket League, tu vois. Je pense, dans le délire, ça a l'air d'être à la fois accessible, fun à regarder, etc. Ouais. L'esthétique fait très Overwatch, je trouve. Oui. Et, ça aussi, c'est la grande mode dans les jeux. Ou sinon, c'est le truc qui va mais tomber aux oubliettes aussi vite que... Une Apex Legends, ça va faire... complètement. Top pendant un mois, puis après, pouf, plus rien. Après, je me suis noté, moi, Cyberpunk 2077. Après, on en a entendu parler. C'était pas une surprise non plus, quoi. C'est pas une surprise. Après, on a quand même vu la venue de une longue vidéo Reeves. De gameplay aussi. Après, moi, le seul truc, c'est que j'ai toujours peur des jeux qui sont très, très, très attendus. C'est une crainte que j'ai à chaque fois, mais qui dit jeu très attendu, souvent c'est la déception. Écoute, on verra en avril, je vais peut-être le regretter, mais moi c'est des Project Red, c'est les yeux fermés. Ça fait partie de ces studios pour lesquels, pour l'instant, moi c'est les yeux fermés. Il y a CD Projekt Red, il y a les développeurs d'Endless, de la série des Endless, que j'aime beaucoup. Il y a les développeurs de Subnautica, même si moi j'ai commencé avec Natural Selection 2. Mais c'est pareil, Subnautica, quand il était en Early Access, je l'ai acheté les yeux fermés, j'y ai pas joué tout de suite. Mais voilà, donc ça fait partie de ces studios. Moi, je leur fais une confiance aveugle. Donc voilà, c'est Cyberpunk, il n'est pas encore précommandé, plus pour des raisons financières qu'autre chose, mais il le sera, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Alors peut-être qu'à la sortie, je vais être déçu, je vais me retrouver avec un jeu buggé, mal foutu, etc. J'espère vraiment pas, parce que ça me ferait vraiment mal. Moi, les phases de gameplay m'ont fait peur sur une seule chose, c'est j'ai l'impression... qu'il y a toujours une espèce de léger brouillard un peu partout, parce que le jeu a l'air quand même hyper ambitieux. C'est la version console qui a été présentée, il me semble. Après, je me dis, ils vont se servir de l'excuse du « ouais, c'est du cyberpunk, c'est pollué, etc. » Donc, Ils ont quand même pris à contre-pied une certaine vision du cyberpunk, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la vision du cyberpunk sombre, gris, pluvieux à la Blade Runner, ou un peu à la Ghost in the Shell. Et c'est sûr, quand ils ont balancé les fluos, etc., moi j'ai été le premier surpris. Je dis, ah ben, c'est pas Ghost in the Shell, c'est pas Blade Runner. Ok, pourquoi pas. Si t'as l'occasion de regarder les séquences de gameplay, après c'est peut-être une impression, je me trompe. Non, je vois de quoi tu parles, mais... J'avais le sentiment qu'il y avait toujours une espèce de petit brouillard un peu lointain, et... Ça m'a pas plus choqué que ça, parce que techniquement, c'est peut-être quelque chose qui sera nécessaire. Alors après, la grande question, c'est est-ce que c'était du gameplay PS4? C'est pas pour enterrer, entre guillemets, les consoles, mais si c'est un truc que sur PS4, même sur PC, hein, parce que à mon avis, sur PC, si tu veux enlever le brouillard, va falloir une machine de guerre. Ouais, c'est quand je dis une machine de guerre, c'est même les derniers Ryzen sortis, etc., avec les dernières cartes graphiques, je pense qu'il faudra au moins ça pour enlever votre brouillard. Si vous avez, comme moi, par exemple, j'ai une 1070. Par contre, j'ai changé pour un Ryzen dernièrement. Peut-être que ça, enfin, je pense que j'aurai un jeu d'une très bonne qualité visuelle. Brouillard, je suis pas sûr que je m'en sors là-dessus. Voilà. Mais oui, c'est ça aussi, quand t'es ambitieux techniquement, c'est quand même très ambitieux en termes de technique, ce jeu. Bon, moi, ça m'étonne pas qu'on parle quand même d'un monde ouvert dans une ville futuriste. Clair. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pas le monde, enfin, le monde ouvert de The Witcher, t'es quand même bien animé déjà. Voilà, enfin, pour faire une petite comparaison technique, vous regardez The Witcher 3, vous regardez Zelda. Bon, après, c'est pas le même objectif, c'est pas le même game design. C'est pas la même partie. Mais plus, si vous regardez techniquement, oui, Zelda Breath of the Wild est plus vide, entre guillemets, que The Witcher 3. Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est pas la même. Moi, Fabien, j'étais persuadé que t'allais me parler du remake de FF7. Oui, bah oui, mais j'attendais que... Eh ben vas-y, voilà. Prends la parole là-dessus. Parce que... pour finir vite fait sur Ubisoft, moi le jeu que j'ai le plus entendu, c'est la petite anecdote, mais c'est Watch Dogs 3. Alors moi je suis pas fan de Watch Dogs, je le dis tout de suite. Mais ce qui m'a étonné, c'est le pourquoi. Voilà, parce que je me suis dit, tout le monde est hypé pour Watch Dogs 3. Moi c'est un OSF pourquoi, total. Pourquoi ouais. Parce que durant la séquence de gameplay, ils ont montré qu'on pouvait jouer une vieille mémé, une ancienne espionne. Voilà, qu'on pouvait jouer une vieille mémé, apparemment, ça en a marqué plus d'un, ça en fait rire plus d'un. Ouais, pour le côté marrant, mais c'est... Mais à part ça, le jeu en lui-même, moi, j'ai pas compris pourquoi tout le monde est hypé pour ça. Alors oui, on pourra jouer des PNJ. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse jouer tous les PNJ du jeu, déjà. Enfin, voilà, mais dans par cette séquence, moi, j'ai pas saisi pourquoi ils étaient tant hypés pour Watch Dogs 3. Moi, je m'inquiète en plus toujours avec des séries où t'es déjà déçu dès le premier opus, en fait. Le premier Watch Dogs avait été une déception. Il paraît que le deuxième était meilleur que le premier, j'en sais rien. Je l'ai pas fait. Moi, les jeux Ubisoft, je cache pas, depuis quelques années, ça ne m'intéresse plus. Franchement, c'est même Beyond Good and Evil 2, j'ai beaucoup aimé le premier. On n'a pas eu beaucoup d'infos sur le 2, d'ailleurs, à l'E3. Je crois qu'ils n'ont même pas parlé. La seule info que j'ai eue, mais alors je sais plus si c'est pendant l'E3 que je l'ai appris ou avant, c'est qu'il faudra une connexion permanente pour y jouer. Oh, relou. Donc ça, y compris en solo, donc ça, je dis, ok, bon, déjà que le jeu, j'étais pas forcément très... Voilà, mais alors là, quand j'ai vu ça, je dis, ok, merci, ça le revoit, le jeu, je l'achèterai pas, voilà. Mm. C'est niette, direct. Voilà. Et oui, c'est vrai que je me l'étais pas noté, et j'avais hésité à me faire une section OZF, je voulais le mettre dedans. Ou jeu qu'on n'a pas entendu parler, Beyond Good and Evil, c'est quand même un gros titre attendu. C'est quand même une arlésienne aussi. On parlait de Shenmue 3, BGE2, c'est quand même une sacrée arlésienne c'est aussi. C'est une grosse arlésienne. 4-5 ans de l'arlésienne quand même. Hein. Ouais. Par contre, le truc, c'est que le premier épisode, il n'a pas marqué outre mesure. C'est pas un énorme carton. Non, c'est pas un énorme jeu non plus. Moi, c'est un jeu que j'ai apprécié. Ouais, j'ai bien aimé. Bonne surprise. Mais c'est pas un énorme jeu au point qu'il aurait demandé une suite. En tout cas, c'est mon avis. Ouais. Voilà, contrairement, par exemple, pour prendre une autre série qui a bien marché, bon, moi, je préfère la première trilogie au jeu suivant, mais c'est Splinter Cell. Le premier m'a marqué, j'avais envie d'un deuxième. Le deuxième m'a moins marqué sur le solo, mais sur le multijoueur, il m'a surpris comme pas permis. Et le troisième réunissait les deux. Voilà. Mais vraiment, dès le premier Splinter Cell, j'avais envie d'une suite. C'est vraiment un jeu qui me donnait envie d'une suite. Assassin's Creed, c'est pareil. Bon, même si à partir d'Assassin's Creed 2, on commençait à voir la façon dont allait bosser, entre guillemets, Ubisoft. Mais bon, ça, c'est toute autre histoire. Mais le premier me donnait envie du deuxième. Et le deuxième, j'ai beaucoup apprécié le deuxième. À part les deux morceaux retirés, etc. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Mais Beyond Good and Evil, j'ai apprécié, mais j'ai pas eu envie d'une suite. Un autre jeu aussi qui m'avait fait cet effet-là, c'est Prince of Persia. J'avais apprécié le premier. Lequel Le Sable du Temps. Ok. Le premier en 3D, donc. Non, le premier en 3D est encore plus ancien. C'est ça, c'est ça. Il y en a un qui date de 99, ouais, je crois. C'est ça, ouais. 99-2000. Donc c'est celui de 2003. Là. Voilà. Okay. Et le remake qu'ils ont fait plus tard, c'est pareil, était sympathique, mais j'avais pas envie de le suivre. Puis de toute façon, t'avais. C'était bien aussi. Ouais. Oui. Ouais, mais t'avais pas la vraie fin. Fallait le DLC pour la vraie fin. Mmh. Bon, bon. Mais, t'avais pas eu des DLC. Mais même les Sables du Temps, j'avais saisi qu'il y aurait une suite de par l'histoire, etc., mais ils m'avaient pas forcément donné envie. Finalement, je les ai faits, parce qu'elles sont sorties, je les ai faits. Mais voilà, ça fait partie de ces jeux que j'ai apprécié, mais voilà. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'est quand même pas mal de jeux que certains attendaient, des annonces, etc. Le 3 qu'on n'a pas eu. Ouais. Sauf Nintendo. Ah, on veut Animal Crossing. Vous avez je pense qu'on fera toute une parenthèse sur Nintendo après, ouais. Parce que pour moi, clairement, c'est eux qui se sont démarqués pendant cette E3. Ils ont, comme on a l'habitude, c'est aussi un petit peu le comment dire, le rituel. Quand on finit de discuter d'un E3, on dit qui a gagné l'E3. Encore une fois, il n'y a pas de surprise, hein, je suis désolé. C'est Nintendo. D'un côté, là, c'était un peu compliqué d'en désigner un autre, parce que entre les absents... Bah oui, il y a déjà un absent. Deux. Parce que c'est quand même marquant l'absence de Sony sur un E3. Ouais. J'en ai discuté, c'est pareil, j'ai discuté avec un pote sur Discord, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, ils avaient déjà gagné. Eux, avant l'E3, ils ont posté un trailer du prochain Kojima... Et voilà, ça a fait tout le boulot. Donc j'ai envie de dire, ouais, en fait, vous n'avez vraiment pas besoin d'aller à cette E3, de toute façon. Hein. Les mecs, leur console est déjà vendue en fin d'année avec le nouveau Kojima. C'est déjà cuit. Mmh. Mais bien sûr. Pourquoi venir faire, entre guillemets, du Microsoft? Microsoft, c'est pareil, comment ils ont présenté leur prochaine console? Ils ont fait une espèce de trailer montrant les composants, etc. Il y a un pote qui m'a dit, c'est du hardware porn. C'est mais ça, mais je crois le public n'en a rien à foutre. Je crois qu'on n'a jamais aussi peu parlé d'une console. Oui. Là, c'est l'exemple parfait. Personne, enfin là, on vient de l'évoquer, mais ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on parle de l'E3. Et à aucun moment, on a pensé à cette console de la Scarlett. Ah non, c'est le projet Scarlett. La console s'appelle autrement. Enfin, oui. C'est devenu encore plus compliqué, leur truc, en fait. Parce qu'au début, à Scarlett, on se disait, ouais, c'est la console. Non, je projette Scarlett, regroupe la console, le système de cloud qui apparemment va passer par la console. Donc, c'est pas du Stadia. Oui. C'est du streaming à partir de la console. Enfin, j'ai l'impression que Microsoft, ils cherchent à faire autre chose. Ça, je n'ai rien contre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus compliqué, que pas bien saisi. Ils sont encore une fois trop vaporeux. Et pareil, ils avaient annoncé deux Xbox. Il y avait l'Xbox Lionheart, je crois, qui devait être complètement dématérialisé. Il devait en avoir une. Beaucoup plus costaud. En fait, les deux avaient quasiment le même hardware. C'est juste qu'il y en a une qui était 100% démat. Voilà, donc peut-être un hardware un petit peu rabaissé quand même. Et l'autre, c'était en gros la Xbox X, si tu veux. Voilà, la version supérieure, lecteur Blu-ray, le HDMI, tout ça, et vous en prenez plein la gueule, et finalement ils ont tout regroupé en une, et du coup la console va servir de base pour le cloud, donc pour le streaming. Ça, c'est pareil aussi, on s'est tellement mélangé dans le vocabulaire qu'on sait plus ce qu'est le cloud, le streaming, le machin. C'est pareil, c'est le bordel. C'est pareil, tu disais qu'est-ce que vous avez retenu, machin, si on devait réduire entre guillemets l'E3 finalement au seul constructeur qui était réellement présent sur place, c'est-à-dire Microsoft, qu'est-ce que vous avez retenu? Ah bah le Xbox Game Pass. C'est tout. Ouais. Bah, après, et qui arrive sur PC, c'est tout ce que tu retiens. Il y a aussi des gens qui kiffent ça. C'est des licences qu'on a depuis perpète, mais il y a eu quand même le nouveau Gears, et le nouveau Halo aussi. Oui. Bah le nouveau Halo, il sortira pas avant la nouvelle console, donc finalement. Oui. Mais il n'empêche qu'on a quand même eu des images. Le nouveau Gears, franchement, ce qu'ils ont présenté, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. En même temps, j'étais déçu du dernier, mais. Ça m'a pas plus emballé que ça. En fait, c'est surtout que là, ils sont restés dans leur zone de confort, quoi. Le truc qui a vraiment marqué, c'est le Xbox Game Pass. Voilà. Xbox Game Pass, on va avoir plein de jeux. Vous allez avoir le Xbox Game Pass sur PC. C'est limite la réponse à Stadia, si tu vois ce jeu. Ouais, en quelque sorte. Voilà, Microsoft, on dit, bah, nous, notre réponse, Xbox Game Pass partout. Voilà. Et j'ai presque envie de dire, bah, quel intérêt d'avoir une console si t'as un groupe. Bon, après, moi, j'ai essayé le Xbox Game Pass. C'est très moyen. Parce que c'est le système qu'ils utilisent, c'est intégré à Windows, etc. Tu peux pas accéder aux fichiers librement du jeu, etc. Je suis désolé, mais l'abonnement lui-même est très intéressant. Techniquement, c'est une catastrophe, moi, je trouve. C'est vraiment chiant. Je me sens pas libre quand j'utilise ce truc. Ça m'a gonflé. J'ai essayé un mois. Parce que c'était un euro pour l'offre du moment. C'était un euro Donc si tu prenais le Xbox Game Pass PC ou le Xbox Game Pass Ultimate qui regroupe le Gold, donc le service en ligne, le Xbox Game Pass console et le Xbox Game Pass PC, tu avais pour 1€ pour le premier mois. Sur PC, c'est 4€ jusqu'à ce que le parce que c'est en bêta, donc une fois qu'il sort, ça passera à 10-15€ par mois. Mmh. Voilà. Donc moi j'ai voulu essayer hein, parce que voilà, pourquoi pas, hein, y a pas de raison, à 1€ de toute façon j'avais pas grand chose à perdre. Alors oui, le catalogue est très intéressant, il y a des jeux sans même aller plus loin, parce qu'il y a des jeux exclusifs Epic Game Store comme Metro qui est disponible sur Xbox Game Pass. Okay. Donc, voilà, ils sont quand même allés très loin, mais techniquement parlant ça a gonflé plus d'un joueur PC, parce que t'installes le jeu, le dossier du jeu, il est chiant à trouver, c'est vraiment un bordel. Et puis en plus, ça déconnecte partout, notamment pour Metro, je crois qu'ils ont attendu 15 jours, 3 semaines pour qu'il y ait un patch pour que le jeu tourne enfin. Mmh. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus techniquement par le truc. À voir s'il change ou pas, vu que c'est lié au Windows Store, ça m'étonnerait. Ouais. Maintenant que tu as regardé ta liste. Allez, Final Fantasy. Non, après, il y a peut-être autre chose qui t'a marqué. Non, enfin, moi, les titres vraiment marquants, c'était finalement le remake de FF7. Parce que bon, oui. Là, après, c'est pas une surprise, parce que j'en ai déjà parlé précédemment et j'avais vu pas mal de vidéos. Donc, ça m'a juste conforté dans l'idée que ça a l'air assez sympa. Ouais, là, on a vu pas mal de gameplay. Et surtout, c'est une refonte du jeu. Ça, c'est le point positif, j'ai envie de dire. C'est vraiment une refonte Jeu. Voilà. Un peu la Resident Evil 2. Le remake, mais en plus travaillé, beaucoup plus travaillé. Change le gameplay, parce que le gameplay est complètement changé, système de combat complètement changé, ouais. Cinématique partout, histoire a priori approfondie, parce que les personnages secondaires c'est Avalanche, si j'ai bonne mémoire, oui. À Midgar, vont être approfondis. A priori, on aura quand même un vrai gros morceau de jeu de rôle à Midgar. Oui. Voilà, donc a priori, on a vraiment une grosse refonte du jeu, c'est le côté positif, pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, il a été annoncé que cette première partie du jeu qui sortirait en... 3 Blu-ray, je crois. Voilà. 3 Blu-ray, quoi. Donc, c'est la violence, déjà. Un Blu-ray, c'est 50 Go, hein, pour vous dire à peu près. Voilà. Donc, ça fait 150 Go, le machin. Voilà. Quand on pense à des jeux denses comme The Witcher 3 qui tiennent sur un Blu-ray, double couche, je crois. Et bien là, on est comme sur 3 Blu-ray, donc c'est quand même assez ambitieux. Ouais, mais si tu sais comment développent les Japonais, tu sais que leurs cinématiques sont rarement ou pas du tout compressées. Ouais, ouais, ouais. Contrairement à l'Occident, soit ils compressent leurs vidéos, soit ils font les vidéos avec le moteur du jeu. C'est pour ça que The Witcher, par exemple, prend moins de place. Les vidéos, les cinématiques sont faites avec les vidéos, avec le moteur du jeu. Voilà. Pour les Japonais, en général, c'est pas du tout le cas. Et pour ce Final Fantasy, apparemment, une fois de plus, c'est pas le cas. Ce sont des cinématiques, donc elles sont très très lourdes. C'est pour ça aussi, à une époque, MGS4 qui était sorti sur PlayStation 3, il y en a beaucoup qui avaient gueulé parce qu'il y avait deux disques, c'était hyper loin installé, etc. C'est parce que les cinématiques n'étaient pas compressées. Ouais. Et c'était un jeu qui proposait pas mal de cinématiques aussi. Oui, dans le 4, ouais. Voilà. Donc ouais, j'ai retenu ce jeu-là, le Cyberpunk que j'attends parce que je suis un grand fan de RPG. Après, ça a été évoqué, Elder Scrolls 6 a été évoqué. Ah bon? Mais rapidement, en fait, on sait rien. J'ai dû le louper, quoi. Ça aussi, tiens, encore un jeu, on attendait une grosse annonce. Ça, puis le jeu spatial de Bethesda aussi, qu'ils avaient teasé l'année dernière. Ouais. C'est pareil, c'est deux jeux qu'on se disait, ah, ils vont nous balancer ça. Parce que bon, ils nous ont balancé le Fallout, bon, on a un petit peu plus rien à faire, quoi, votre machin, votre daube, merci bien. Non, on veut Elder Scrolls, on veut le jeu spatial, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. On les a pas eu. Non. Voilà. Encore des jeux. C'est vrai qu'on retombe peut-être un peu aussi sur le côté transition. C'est des jeux qui vont nous annoncer à la prochaine génération console, puisqu'ils vont les sortir sur la prochaine génération. Ouais, c'est possible. Après, Bethesda, ils sont arrivés un petit peu penauds hein, sur scène, disant bon. En même temps, ils ont un passif depuis une bonne année, là, quand même. Bon, ils traînent quelques casseroles, les gars. On sait qu'on a un peu merdé, etc. Donc évidemment, ils s'en fait un peu petit et ça s'est senti dans la conférence. Ouais. Donc en fait, tu tires pas grand chose de cette E3 de manière générale, quoi. Non, pas énormément de choses du côté des constructeurs. Ah, et un petit truc qui me revient, mais ça pas du tout à voir avec les jeux. L'Epic, moi je l'appelle l'Epic Game Show parce que c'était le PC Game Show qui avait lieu. Bon, je retiens surtout les présentateurs complètement. Ah, bah si, Devolver. Très intéressant. Toujours rigolo de regarder Devolver. Même si là pour la troisième année. on s'attend à ce que ça devienne débile, puis peut-être que maintenant on est tellement habitué que ça marche moins bien. Ouais. Voilà, la première fois, Devolver, on rigolait bien. La deuxième, ça marchait encore. La troisième, ça a moins bien marché pour moi. Ouais, bien sûr. Après, vous avez pensé quoi? Parce qu'il y a un gros titre qui marche bien, c'est le jeu Avenger. Catastrophique. Et en fait, tout le monde, pas mal de monde l'attend. Et moi, moi c'est Osef. Tu parles duquel Avengers? En déception, j'ai mis qu'un truc, j'ai mis Avengers de Square Enix. Ah ouais. D'accord, hein. Parce que t'as un Avenger qui... c'est un Marvel avec plein de... Non, c'est un Marvel sur Switch. C'est catastrophique. Le chara-design est abominable. Les personnages sont moches. Ils ont des tronches horribles. Ouais. Et au tout début, quand ça a été annoncé, un Avengers made in Square Enix, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant et tout. J'ai vu des images, j'ai fait... Il est hors de question que je joue. À mon avis, c'est pas un made in Square Enix, c'est un made in Eidos. Ah ouais? Je pense plutôt que c'est du Eidos que du Square Enix. Mais esthétiquement, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, c'est de l'occidental, c'est pour ça que je dis que c'est Eidos. C'est foireux, enfin... Et pourtant, il est carrément attendu. Hein. Bah, suite à l'E3... Pourquoi? Parce que c'est Avengers, voilà, c'est tout. Suite à l'E3, j'ai vu quand même pas mal de monde gueuler sur... notamment les tronches des personnages. Oui, après, ça dépend où tu regardes, etc. Le pire, c'est toujours difficile tort, aussi. Quoi. C'est toujours difficile. Qu'il est bourré, le gars. Enfin... Ouais, enfin, il était gros dans l'autre, donc voilà, on n'est plus à ça près. Spoiler alert. Non, tout le monde le sait, sans avoir vu le film, tout le monde le sait qu'il est gros dans ce film. J'ai pas spoilé le film. Et qu'il joue à Fortnite. Et qui joue à Fortnite. Non, c'est pas lui qui joue à Fortnite. Enfin, si, il joue sûrement, mais c'est l'autre. C'est ce dire, ouais. Après, si, bon, après, c'est pas vraiment des grosses surprises, mais le prochain Doom a l'air vraiment très cool. Ouais, mais ça aussi. Doom Eternal. On savait. Alors, Doom, ce qui m'a refroidi. C'est Doom Eternal, c'est ça? Ouais, mais ce qui m'a refroidi, c'est qu'ils ont annoncé des DLC, y compris pour la campagne solo. Donc, ouais. Du coup, je me dis, jeu en kit. Bon, bah, le jeu à la sortie, je le prendrai pas, j'attendrai un peu. Voilà. Ceci dit, c'est pas comme si je relançais régulièrement le Doom 2016 pour m'éclater, avec le mode arcade notamment. Mm. Donc, c'est pas un drame. Et petit truc rigolo, en fait, que j'avais vu, ça m'avait fait beaucoup rigoler. Enfin, même si ça peut être sérieux, il y a une niche pour ce titre-là. C'est le Flight Simulator qui repop, là. Ah non, moi, je trouve ça cool. Mais moi, je sais que régulièrement, on me demande ça à la médiathèque, hein. Mm. Ah, moi, j'étais un... simulation d'avion. Ouais. Fin 90, début 2000, okay. J'étais un grand fan des Flight Simulator, de Combat Flight Simulator. Qui était excellent. Ensuite, on a eu IL2 qui était sorti quelques années plus tard, qui était vraiment excellent. Mais vraiment, ces simulations-là, j'aimais beaucoup. Après, moi, ce que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment, et je mets de côté une autre arlésienne qu'on n'est pas prêt de voir arriver. Hein. Tout le monde va deviner lequel. God Simulator 2. Non, c'est de la simulation spatiale. Je veux de la bonne simulation spatiale. Je veux un X-Wing versus TIE Fighter, bordel. Ah. Je veux ces jeux de simulation spatiale qui étaient vraiment génial. Et non, je ne parle pas du jeu d'un certain... Enfin bref... Star Citizen. Non. Parce que celui-là, il n'est pas prêt. Déjà, si la campagne solo pouvait arriver un jour, ce serait un miracle. Est-ce qu'on ferait pas notre parenthèse sur Nintendo? Parce que Final Fantasy, rien à rajouter. Non, en fait, c'est juste une confirmation que, alors dans une séance de gameplay, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. C'est surtout que c'est rassurant, en fait. Alors c'est rassurant, en fait, pour l'instant. Ça a de la gueule. Hein. Par contre, je sais plus où j'ai lu ça, mais en gros, lors d'une interview, il y a les gars qui bossent justement sur Final Fantasy VII qui semblaient dire que après ce premier opus là qui va sortir. Ils savent pas trop dans quelle direction ils vont. Hein. Ils savent pas. Oui, c'était le petit point négatif que j'avais soulevé, c'est que déjà pour l'instant ils savent pas comment ils vont faire les suites. Ils travaillent déjà dessus apparemment, mais ils savent pas comment ils vont se démerder pour les suites. Puis surtout quand tu vois, alors après à voir ce que proposera le jeu quand même pour Midgar, mais quand tu connais le jeu original et que tu connais la place de Midgar, tu te dis c'est vraiment un gros jeu. C'est 15% du jeu. Voilà, si on part du principe que c'est vraiment un gros morceau que tu joues, c'est un JRPG de 40 heures juste à Midgar. Mmh. Voilà. Tu te dis, mais combien il va falloir de Final Fantasy Remake pour faire tout le jeu s'ils font tout le jeu comme ça? Combien il va en falloir? D'un autre côté, t'as le risque de la déception parce que si le Final Fantasy Midgar finit en 10 heures, alors que tu vas le payer 60€, à mon avis, il y en a qui vont pas être contents. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Dans les deux cas, de toute façon, quand tu vois le temps qu'ils ont mis à faire ce FF7, même si c'était le premier, maintenant ils sont un peu plus rodés. Mais ça finira sur PS12 en fait. Ça va aller plus vite, mais ouais, voilà, je me dis, la série complète, tu vas attendre combien d'années avant de l'avoir? Moi qui aime pas entre guillemets les jeux en kit, non, ça m'agace. Ouais. Je crois assez peu au fait que ils iront jusqu'au bout. Ouais, c'est possible. Ah bah je pense qu'ils... ça finira en jeu mobile. Je sais pas. Le truc probable, c'est qu'ils font un premier épisode, un deuxième, un troisième, puis comme ils vont mettre du temps, ça va baisser. Arrive au troisième, oh, ça marche plus, on fait pas les suites. Bon, bah, c'est probable. On verra jamais la scène marquante de la mort. Non, on dira pas. Tu vas peut-être qu'on peut encore jouer. Du rétro spoil. Du rétro spoil. T'imagines s'ils changent la scène? Ah oui. Parce que je te rappelle qu'il y avait des rumeurs comme quoi le personnage était toujours en vie dans le jeu. Si tu te souviens, à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient, si vous faites ceci, cela, le personnage est toujours en vie. Ouais. Imagine qu'ils intègrent ça dans le remake, ça serait cool quand même. Après, tu peux citer d'autres titres qui ont été annoncés, qui ont l'air plutôt sympas. Hein. Il y a eu encore un remake, mais c'est le remake de Panzer Dragoon. Oui. Ça fait plaisir de le voir. Ouais. Ça peut être sympa comme truc. Sur quelle console? Xbox. Ouais. PC. Ouais. Ça passe sur comme PC. Le Panzer Dragoon Horta était sur Xbox. Ouais. Bah, tu as aussi les Age of Empires Definitive Edition qui vont arriver. Ouais. Entre autres. Si, il y a un vieux jeu, je m'attendais pas du tout à le voir, c'est Destroy All Humans qui va avoir droit à son remake. Ah oui, voilà. J'ai souvenir que c'était un bon petit jeu assez rigolo. Très drôle. Avec un extraterrestre qui veut envahir la Terre à lui tout seul, qui fout un bordel. C'est ça. Je trouvais ça assez rigolo. C'est Mars Attack, le bordel. Ouais. Je me dis, ouais, le remake, pourquoi pas. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une surprise. Pas une surprise énorme. Bonne petite surprise. C'est ça. Après, on peut aussi citer le prochain DBZ. Voilà, en jeu de combat. Je me souviens même plus. Ça a été annoncé. C'est un espèce de jeu de rôle, je sais pas quoi. Il me semble que c'est un jeu de baston. À la Dragon Ball FighterZ. Ouais, non, c'est pas un action RPG plutôt. Ah, mais oui, si, si. C'est Cyber Connect 2, les développeurs de Naruto, qui ont annoncé ça. Ouais. Je me souviens même pas avoir vu passer l'information. Là, je crois donc qu'on a la liste, en fait, pour l'instant. Il y a un Vampire The Masquerade Bloodlines 2, pour ceux qui ont fait le premier il y a longtemps. L'annonce a été faite avant le 3, et je peux dire que la communauté PC était très heureuse de voir arriver ça. Mais en même temps, on a vu le truc débarquer sur GOG, sur Epic, sur Steam, les précommandes, etc. Ça fait un moment qu'on a vu le truc. En fait, c'est qu'on n'a pas eu tellement de surprises. Il y a eu l'annonce. Alors elle, c'était une vraie fuite, par contre. Ça a été une petite fuite. Mais on a eu l'annonce à l'E3 de Baldur's Gate 3. Oui. Oui. Alors à l'E3, elle a été annoncée à Stadia en premier. Ah. Donc j'ai une connerie. C'est Stadia annoncée en premier. Et je me souviens aussi qu'on a été annoncé à Stadia sur la communauté PC. Est-ce que ça sort sur GOG? Est-ce que ça sort sur GOG? Est-ce que ça sort sur GOG? Parce qu'on veut pas de ça sur Stadia, nous. On veut pas. Oui, ça sortira sur GOG. Ouf, merci, c'est bon, on est content. Après, il y a le prochain Mana qui va arriver aussi, Trials of Mana. Mais ça, c'est dans Nintendo, ça. Je me le suis noté. Okay, mais effectivement, pour moi, ça fait partie des surprises. En fait, j'ai presque l'impression que. Ouais. Mais en fait, et traduit. Je pense qu'on fait la parfaite. Le 3 est traduit, je crois. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ce qui intéressait beaucoup de monde, la saga des trois premiers Trials. Ça portait un autre nom. C'est la parfaite transition avec Nintendo. C'est que moi j'ai l'impression que les seules vraies surprises sont venues de Nintendo. Ouais. Oui et non. Enfin, Luigi's Mansion, on voulait le voir. On voulait le voir, mais c'est un bon jeu. On n'était pas sûr de l'avoir. Il y a eu ce fameux Trials of Mana. Moi je me suis noté le Astral Chain. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, mais on n'a pas une nouvelle Bayonetta. Moi, j'ai dit, c'est pas étonnant. Ils travaillent sur Astral Chain. Astral Chain va sortir. Une fois qu'Astral Chain sera sorti, ils vont nous balancer du Bayonetta. Et je suis hyper agréablement surpris par l'esthétique de Astral Chain. Je trouve ça m'a rappelé un peu, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans la même direction artistique que Zelda, si tu vois ce que je veux dire. C'est au côté, comment dire. Ah, moi, les personnages, pastel ou je sais pas quoi. No More Heroes, Kier 7. Ah, moi, ça m'a fait penser au Tokyo Mirage Session qui est sorti. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois un peu le style? Ouais, je vois. Non, j'avais pas réussi à le choper. Il était sorti en 4000 exemplaires en Europe, je crois. Puis c'est Platinum Games, de toute façon. Ça aussi, c'est le genre. Hein, on peut y aller un peu les yeux fermés. Moi, clairement, ça fait partie des trucs que je retiens. Le Trials of Mana. Animal Crossing, évidemment. Parce que Animal Crossing, c'est beaucoup trop bien. Et clairement, ça fait partie des jeux qui ont mis tout le monde d'accord d'un côté valeur sûre, quoi. Bah après, moi, je suis pas Animal Crossing, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, ok, c'est cool, une bonne annonce. Et je pense que... Puis varié, surtout, à la fin, je me souviens, à la fin du Nintendo Direct, première réaction que j'ai eue, c'est, il y en a pour tout le monde. pour tous les goûts. T'as Astral Chain pour plus, peut-être plus pour moi. Tu as le Zelda à la fois pour les nostalgiques, pour les nouveaux joueurs ou les enfants avec son look très enfantin. Animal Crossing si tu veux te détendre. Voilà. T'en avais pour tous les goûts. Et t'avais du jeu, du gameplay, pas de par l'autre, rien, du jeu pour tout le monde. À n'importe quelle date. Et la grosse annonce de cette E3, bah. Petite surprise. One More Thing. Sorti de nulle part. Alors ça, je crois que personne s'y attendait. Et surtout, surtout la présence de Zelda. Oui. Une Zelda jouable. Je dis oui, moi. Après, est-ce qu'on est sûr qu'elle sera jouable? Non, on n'est pas sûr. Voilà. Mais le fait qu'elle soit dans le trailer laisse penser, voilà. C'est ça. Bon, on peut dire que c'est la catégorie théorie. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'idée. Ouais, complètement. J'aime bien l'idée parce qu'ils sont présents tous les deux à l'écran. On a vu aussi l'espèce de gros, grosse bestiole. Oui. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui était prévu dans le précédent, dans le premier Zelda Breath of the Wild et qui n'a pas été retenu. Ok. Je crois que si je me gourre pas, parce qu'il y a eu, bah, le mec, le développeur s'est prononcé dessus. Il a dit, on avait plein d'idées à ajouter. On avait des idées qui n'ont pas été ajoutées au jeu original. On a encore plein d'idées à rajouter dans le Breath of the Wild 2. Donc, on s'est dit, on va refaire un nouveau jeu. Mais là, clairement, ils ont cassé Internet avec cette annonce. Un petit peu comme quand ils avaient annoncé Metroid Prime 4. Juste avec un logo et... Bah, Bayonetta 3, t'avais une mini cinématique. Ouais. Voilà. Et puis t'avais le logo, voilà. Non, mais encore une fois. Et ça aussi, c'est une annonce étonnante parce que. Et ils ont même réussi une à. Suite directe. Ils ont même réussi à caser du Smash Bros encore. Oui, de nouveaux personnages. Bah, non, mais je veux dire, le jeu est déjà sorti, etc. Tu te dis, ouais, y a pas besoin de faire ça à l'E3 ou autre. Non, non, les mecs, et puis ils jouent même avec tes nerfs. Parce que le premier personnage, Banjo-Kazooie, tu dis, oui. Ah, Banjo-Kazooie sur Switch. Ouais. Non, c'est juste sur Smash Bros. Oh. Ouais, dommage. Et d'ailleurs, j'avais vu ça, c'était une des actualités les plus tweetées. C'était ça. Après, ouais. N'oubliez pas que Nintendo s'est toujours servi de Smash Bros. Pour annoncer des trucs. Ah, peut-être qu'on va voir les. Moi, s'ils ressortent des jeux rares sur Rare sur Switch, je suis pas là. Un des meilleurs exemples, c'était l'arrivée de Pete dans Smash Bros. Ça a servi à habituer les joueurs pour le retour de Kid Icarus sur 3DS. Des fois, des déceptions, hein. Quand ils ont vu le personnage de Persona arriver, ils se sont dit, ouais, Persona 4. Non, c'est un Persona version. Don't Single Night, c'est ça? Ouais, c'est un Mozu, c'est ça? Il y a eu un Mozu. Il y a un Mozu personnel qui est annoncé. C'est Persona Q, c'est pas ça? Non, ça c'est un... Mais c'est pas Persona 4. Mais il n'empêche les gens attendaient Persona 5, 4 5. Ou 5. 5, pardon. Depuis pas mal de temps maintenant, Nintendo se sert de sa licence Smash Bros. Pour habituer les nouveaux joueurs à des personnages pour des annonces par la suite. Oui. Parce que annoncer un jeu Kid Icarus sans avoir mis Pete dans les jeux avant, ça aurait parlé qu'aux vieux de la vieille. Ben voilà. Et là, on a des jeunes joueurs qui ont acheté Kid Icarus parce que c'était peut-être leur main ou tout simplement ils aimaient bien le personnage dans Smash Bros. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être une manière d'annoncer un futur Banjo-Kazooie ou du moins un partenariat avec Rare. C'est bien Rare qui appartient toujours à Microsoft. Donc là, on rejoint l'idée que Microsoft et Nintendo se rapprochent. Mais ils se sont rapprochés puisqu'on a eu la sortie du Cuphead Switch, voilà, notamment, qui normalement appartient à Microsoft. Donc, alors, j'ai appris que Cuphead allait sortir sur une plateforme de jeu inattendue, sur l'écran qu'il y a à l'intérieur des Tesla. Ah ouais, non, c'est la nouvelle. Ah oui, ça passait, non, j'avais vu ça, moi, avec une actu, la nouvelle console Tesla. J'avais pas compris tout de suite. J'ai dit, ah non, c'est le tableau de bord de la bagnole et tout. Mais ça faire console. Ils ont une espèce de Mario Kart-like. Et par exemple, quand t'es en train de recharger ta bagnole pour pas t'emmerder. Ah oui, parce que si le mec fait Mario Kart au volant, non, ça va pas. Mais attends, en gros, sur l'écran, t'as le jeu. Et en fait, tu tournes ton volant pour jouer sur le... Oui, mais à l'arrêt, hein, on est d'accord. Oui, à l'arrêt. T'as juste l'écran déporté à droite, quoi, du coup. Ouais, ou tu l'as sur la droite. C'est un jeu type Mario Kart. Mmh. Et tu bouges un petit peu ton volant pour tourner dans le truc. Mais t'es drôle, quoi. Voilà. C'est quand même étonnant. Ouais, c'est marrant. C'est quand même étonnant. Et du coup, paraîtrait que Cuphead arriverait sur... les écrans Tesla. Et les gens les pèteraient parce qu'ils seraient énervés. Ce jeu est trop dur. Ouais, alors si on comptait tous les écrans des jeux soi-disant ultra durs, machin, qui auraient été pétés, je pense que déjà Ninja Gaiden, Black, Dark, la série des Souls, et j'en passais des meilleurs. Je pense qu'il y a pas mal de jeux qui en ont cassé de l'écran en ce moment-là. Mm-hmm. Donc, je vous ai demandé tout à l'heure, quelles étaient vos attentes avant cette E3? Qu'est-ce que vous avez retenu si vous deviez faire un bilan hyper général de l'E3? Avec ou sans Nintendo? Nintendo est dedans, évidemment. Moi, je garde Nintendo à ce moment-là. Kenny Reeves ou pas, je garde Nintendo. Il n'y a pas à dire. Là, moi, je regarde quand même, si j'avais un jeu hors sortie de là, c'était Cyberpunk. Ouais. Ouais, mais moi, je le compte pas parce que ça fait des années qu'on en entend parler, etc. Donc, pour moi, c'est plus une surprise. Okay. Ouais. J'ai envie de dire, si j'ai envie de retenir le jeu, il y a le Zelda Breath of the Wild 2, c'est vrai que ça m'a fait un petit coup, mais n'a pas de gameplay ou autre. Donc, voilà. C'est vrai que les séquences de gameplay de Cyberpunk m'ont intéressé. Voilà, mais il n'y a pas des jeux vraiment qui m'ont donné envie de courir après, tout de suite après l'E3, machin. J'en ai un, moi. Moi, ce serait Trials of Mana, je pense. Moi, c'est Link's Awakening. Ouais. Ouais, si, carrément. Mais lui, déjà, il était déjà vendu un peu pour moi avant, donc c'est bon. Astral Chain, c'est pareil. Après Astral Chain, le fait d'avoir vu le gameplay m'a convaincu dans mes décisions de l'acheter. Mais le fait que c'était déjà marqué Platinum Games dessus, déjà, c'était déjà quasiment vendu pour moi. Mais clairement, s'ils n'avaient pas déjà annoncé le Link's Awakening avant l'E3, ça aurait été ça, là. Moi, c'était les deux Zelda. Donc, c'était ça. Il n'y a pas photo. À ce moment-là, c'était le Zelda, je le trouve vraiment très mignon. Mais je te rejoins sur le fait que moi, ce que je retiens de cette E3, globalement, c'est Nintendo. Après, je ne sais pas si je peux parler de déception, parce qu'en fait, j'avais assez peu d'attentes vis-à-vis de cette E3. Écoute, j'avais pas beaucoup d'attentes, moi, pour Fallen, pour Jedi Fallen Order, mais bon, j'aime bien Star Wars, un jeu solo Star Wars, avec les mecs qui ont fait Titanfall, quand même. Donc, je me suis dit, il y a moyen qu'on ait quelque chose, quand même, de bon. Moi, quand j'ai vu... On a une date de sortie? Fin d'année, quoi, je crois que c'est novembre. Alors soi-disant le jeu était en alpha, hein, le 3 ou je sais pas quoi, parce que beaucoup ont été déçus du gameplay. Moi, c'est ça votre alpha, non, sérieux. Mais non, le jeu, il m'a pas du tout accroché. Je l'ai trouvé sans âme. Le chara-design du personnage m'a pas du tout accroché. Il y a un petit côté, un petit côté Nero de Devil May Cry, avec sa longue cape, ses cheveux courts. Bon, il a pas les cheveux blancs, il est roux, voilà. Enfin. Le mec, tu sens qu'avec son sable, il y a quelque chose qui va pas non plus. Je sais pas, d'habitude, les Jedi sont à l'aise avec leur sable, je l'ai pas senti à l'aise. Des reprises de Dark Souls avec le verrouillage de la cible. J'ai pas du tout accroché à ce jeu globalement. Je l'ai trouvé sans âme, je l'ai trouvé comme d'autres jeux, etc. Alors que j'espérais une petite surprise, donc c'est pas non plus la grosse déception. J'espérais quand même une petite surprise sur le jeu et j'ai vu 15 minutes, j'ai dit ouais non. Ah oui, c'est pas surprenant en outre mesure. C'est Electronic Arts quoi. C'est le développeur qui me donnait un petit espoir. Mm-hmm. Voilà, les mecs qui ont fait Titanfall 2, ils nous ont surpris avec Apex Legends, même si le jeu a pas marché sur le long terme, même s'il a été relancé avec la saison 2, mais il y avait cette petite idée que écoute, les mecs ils m'ont quand même surpris avec Titanfall 2, il y a quand même un petit espoir que ce studio me sorte quelque chose d'intéressant. Voilà, j'avais une petite surprise, un petit truc intéressant. Et non, t'as l'impression que sur aller chercher les idées des meilleurs jeux à droite à gauche, du Uncharted, du Dark Souls, du ceci, de ça, on te regroupe tout dedans, on te met Star Wars dessus, et puis voilà, merci, salut. Et c'est peut-être un peu tôt, mais pour vous, E3 2020, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? PS5. PS5. Ça va être les prochaines consoles. Moi, je vois bien le... Alors, je l'intègre dedans, même si Nintendo va encore me prendre à contre-pied et ça sera toujours sympathique. Moi je m'attends au trio, la prochaine Xbox, la prochaine PlayStation et pourquoi pas la Nintendo Switch Pro dans le lot s'ils s'en sentent capables ou en décalage. Fabien, t'as l'air assez d'accord. Je suis d'accord avec ça et surtout que je pense que c'est. Et les jeux qu'on a cités tout à l'heure, qu'on a dit, on n'a pas une nouvelle. Ouais. Elder Scrolls 6, Beyond Good and Evil 2, tous ces jeux-là qu'on attendait, qu'on n'a pas une nouvelle, je pense qu'ils vont arriver. Ils vont nous les balancer pour la prochaine génération de consoles. J'attends de voir un peu ça, les premiers titres annoncés sur la future génération. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends, voir un peu de 109. Ouais. Parce que finalement, là, on est en fin de génération, donc c'est beaucoup de sorties de jeux. De licences acquises pour la plupart. Mais c'est aussi intéressant parce que quand on revient un peu en arrière, les jeux qui sortent souvent en fin de génération sont très aboutis. Ouais. C'est souvent des très bons titres aussi, au niveau du gameplay, au niveau des idées. Serais-tu en train de dire que le prochain Watch Dogs sera peut-être exceptionnel? Moi, je ne mettrais pas un billet là-dessus, mais. C'est Ubisoft déjà. Mettre un billet chez Ubisoft déjà, c'est dangereux. Mais en fait, Ubisoft a besoin de profondément réduire son débit de sortie et repenser ses titres. Ce que tu essayes de dire, c'est que la prochaine génération, tu voudrais un renouveau. Ouais. Tu voudrais que cette nouvelle génération console nous donne du renouveau. Parce que là, on a eu des open world copier-coller à l'appel, ça nous gonfle. Les jeux d'action qui se suivent et se ressemblent, du triple A qui se suivent et se ressemblent. C'est pas propre à cette génération-là, ça avait déjà commencé pour moi avec la précédente, déjà à l'époque Xbox 360, PlayStation, on avait déjà des jeux qui suivaient. Voilà. Après, il y a des studios pour lesquels j'ai pas trop d'espoir, genre Electronic Arts. À une époque, quand ils avaient fait Dead Space, par exemple, j'avais adoré le premier Dead Space. Ah ouais. J'aurais aimé avoir une suite. La suite m'avait un peu déçu. Le 3, j'ai trouvé minable. J'ai même pas essayé le 3. Voilà. Mass Effect, on est pas assez proche de la catastrophe. J'ai adoré le premier. Le deuxième était plus orienté action. Oui. Ça m'avait moins plu. Même l'histoire, l'univers avait rattrapé, malgré quelques incohérences. Mais bon, ça c'est autre chose. Le 3, je me suis dit, bon, ça va, le 3, on termine bien, etc. Mais on est quand même passé proche du syndrome Dead Space, si j'ai envie de dire. On est allé de catastrophe à catastrophe. Voilà. Donc, Electronic Arts, je me fais pas d'illusions. Ubisoft, je me fais malheureusement pas d'illusions, parce que j'ai l'impression que tant qu'ils se prendront pas une grosse baffe dans les dents, qu'ils se prendront pas vraiment un jeu qui va se casser la gueule, ils vont pas changer. Ils vont vraiment pas changer. Quoique, il y a eu For Honor, quand même. For Honor, ça avait bidé. Ah non, ils l'ont relancé. Mais ça a bidé pourquoi For Honor ? Parce qu'ils n'avaient pas mis de serveur dédié, ces abrutis. C'est tout. À partir du moment où ils ont annoncé les serveurs dédiés, le jeu a été relancé. C'était ça le problème. Je crois que j'ai vu personne y jouer autour de moi. Ah, il fonctionne maintenant. Le jeu. Ah ouais ? Il y a un petit, enfin, il y a pas, c'est pas Rainbow Six Siege non plus, oui, je dirais. Mais il y a une communauté sur For Honor. Et okay. Au dernier E3, ils ont annoncé des nouveaux trucs aussi. D'accord. For Honor. Ouais, après, il y a des titres qui marchent bien en parallèle. C'est Chivalry, c'est Mordo, je crois. C'est... J'ai pas encore essayé Mordo. Celui-là, mais il faut que je le fasse. Mordo, ouais. Mordo. Qui, c'est des titres assez après, ah ouais, mais alors eux, ça, ce qui me fait rire, c'est voilà, c'est pas une exclu Epic Games, c'est un jeu indé. Les mecs, ils te sortent ça quasiment, quasi inattendu. L'interface est assez rustique, etc. Et les mecs, ils vendent ça par millions. Voilà. Et le jeu est un succès. Mmh. Bon, en même temps, tu peux jouer un troubadour, et taper sur le... Et le pire, c'est que le bard, tu joues sur le jeu, j'ai vu plein de vidéos là-dessus, j'y croyais pas, mais le bard est respecté. Oui. C'est-à-dire que tu peux chanter, danser en plein milieu du champ de bataille, il n'y en a pas un qui va t'attaquer. Ouais, ouais. Voilà. Et en plus, c'est utile parce que tu donnes des buffs. Voilà, donc c'est assez drôle. Je sais pas si l'année prochaine on aura le droit à vraiment des annonces de consoles pendant le 3. Ça, je pense avant, que. Avant, tu penses peut-être dans les événements si... dédiés à chaque fois. Bah, en fait, déjà la PS5, beaucoup je pense que ce sera ce que tu veux dire. Sony Experience de septembre ou octobre. Hein. Je pense. Ah, si tôt. Je pense peut-être qu'on aura les spécificités des consoles beaucoup plus tôt. Ah oui. On saura à quoi s'attendre, etc. Et qu'à l'E3, on va avoir le coup du, bah, on vous présente la coque, hein, parce qu'elle sera vide, hein. On n'est pas con. Il n'y aura pas les composants dedans, mais on va te présenter le design de la console, la manette à côté, la date de sortie, le prix. C'est ce que tu auras à l'E3. Mais les spécificités, etc., on les aura avant. Oui. La PS4, elle avait pas été annoncée à l'E3. C'était une espèce de conférence Sony aussi. C'est probable, je m'en souviens plus. Bah, ils avaient présenté la console. Idem pour le PSVR. Non, ils avaient annoncé la console, date de sortie, etc. Mais les spécificités, etc., je crois qu'on les avait eues avant, pareil. Mais je pense qu'on aura droit à de moins en moins de vraies annonces exclusives à l'E3 et que ça va finir comme la Paris Games Week où ce sera... Bah, il n'y a que l'E3 lui-même et j'ai envie de dire, entre guillemets, les journalistes qui croient encore que c'est le salon de l'année, mais en fait... De moins en moins pour les journalistes, hein, ils commencent à se dire que ça va se disloquer. Hein. Bah, il y a même des rédactions qui vont... Bah, écoute, moi j'ai suivi par l'intermédiaire de Gamecube, ils ont envoyé quoi, 2-3 mecs, alors qu'à une époque, ils étaient 4-5 à y aller. Oui. T'avais notamment, enfin ça c'est personnel, mais t'avais notamment Dr Chocapic, à chaque fois que lui demandait son avis, bah c'est de la merde. Ouais, ouais, mais lui il était très... Mais après le truc avec le 3, ce qui est compliqué, c'est que déjà pour les éditeurs ça coûte une fortune. Et enfin, en plus de ça, c'est une communication qui est difficilement maîtrisée, puisque comme c'est du surtout direct... Que maintenant le 3, pour la plupart des gens, le 3 c'est les pré-conférences en fait. Oui, oui. Parce que t'enlèves la comme j'ai dit, la treehouse de Nintendo, que tu peux voir en direct ou en replay. Qu'est-ce que t'as d'autre? Tu suis l'E3 en direct sur les différents sites web. Moi, c'est juste les conférences. Mais tu vois pas le salon. Oui, mais oui. Tu vois pas le salon. C'est juste durant 2-3 jours après, tu vas voir le direct de, bon, je sais pas, bon, jv.com l'ont sûrement fait. Le direct de GameCube, le direct, je sais pas, pourquoi pas IGN et tous les gros sites américains. Voilà, où tu as, bon, bah, on est en direct de l'E3. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Donnez-nous vos impressions sur les jeux. Alors, je sais pas, moi, t'as eu, je parle surtout de GameCube, j'ai suivi sur GameCube, mais t'as Puyo qui était limite en larmes pour Shenmue 3. Voilà, C'est un gros fan de Shenmue. Voilà, tu avais Puyo devant, Link, qui était absolument heureux devant Link, qui a joué même devant la télé. Voilà, tu en avais d'autres qui nous parlaient de Cyberproject, qui nous parlaient aussi des petits jeux. Il y a un petit jeu qui m'est revenu, qui a été présenté à durant la conférence Microsoft. C'est un petit jeu. L'idée de gameplay, c'est que tu vas jouer 5 minutes, mais tu vas les rejouer en boucle parce que tu es dans une espèce de boucle temporelle. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens de la vidéo, ça commence avec un repas avec un homme et sa femme. Et tu as un mec qui débarque d'un coup et qui tue la femme. Nouvelle boucle de gameplay, le mec essaie d'empêcher le meurtre de sa femme en lui disant « n'ouvre pas la porte ». Et selon les développeurs, ça va être tout du long comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas rejouer une petite boucle. Alors, peut-être pas de 5 minutes, je crois que c'est 15 ou 20 minutes. Ça me fait penser à Ghost Trick sur Nintendo DS. Ouais. On s'est pensé à des films, mais... C'est un jeu qui était ressorti, en fait, de la conférence Microsoft, parce que c'était le seul jeu original. Et je l'avais pas fait, mais c'était pas un peu le concept de... Comment ça s'appelle ? C'est pas Sexy Brutal aussi ? Quantum Break ou un truc dans le genre où tu figeais le temps. Quantum Break. Quantum Break, tu figeais le temps, ouais. Et tu devais revenir en arrière. Alors, j'ai pas assez joué, j'ai pas fait Quantum Break, moi. Ah, j'aurais bien aimé un Alan Wake 3. Enfin, 3, ouais, si on compte American Nightmare, j'aurais bien aimé un nouveau Alan Wake, mais ça, c'est... Est-ce qu'on a fait le tour de cette E3, ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Pas vraiment. Je te sens déçu par l'E3. Tu nous dis qu'est-ce que vous attendez du prochain E3, mais j'ai pas envie de dire vivement le prochain E3, en fait. Hein. Bah si, moi j'ai quand même des choses. Moi j'attends des images de Metroid Prime 4, j'attends... Comment dire, Nintendo nous ont habitués à des Nintendo Direct réguliers. Donc j'ai presque envie de dire, moi qui me présente par exemple des nouvelles images de Bayonetta 4... Oui, pendant l'E3 ou un autre moment. Ou pendant Tokyo Game Show ou un Nintendo Direct de fin d'année ou début d'année prochaine ou autre, pour moi ça sera la même... Mais je pense qu'on sera le même intérêt. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de Stadia. Ben, en fait, ils étaient pas sur l'E3, ils l'ont fait après. Ouais. Et après, il y a aussi une autre conférence après. Stadia, moi j'ai envie de dire beau pétard mouillé, quoi, parce que parce que tu vas pouvoir, jouer à tes jeux, mais il faut les acheter sur Stadia, quoi. Donc l'intérêt du truc, là, je sais pas, pour moi, ça se casse la gueule direct. Après, je pense que c'est dans un premier temps comme ça, mais l'objectif, dans après, un second temps, évoluer. C'est... Mais moi, en fait, l'impression que ça m'a donné, c'est que Google voulait faire, comme on en parlait pour le tout dématérialiser, un Xbox Game Pass en cloud. Voilà, donc vraiment un Netflix, le vrai Netflix du jeu vidéo. Ouais, mais à mon avis, les développeurs derrière, ils ont dit non, on perd trop d'argent, etc. avec vos conneries. Non, faut acheter nos jeux. Voilà, donc vous pourrez jouer à The Division 2. Je prends cet exemple-là, hein, par exemple. The Division 2 via Stadia, mais il faudra acheter le jeu sur Stadia. Alors déjà que les jeux que t'achètes sur PC t'appartiennent pas forcément, sur console c'est encore une autre histoire, mais et encore, j'ai pris l'exemple The Division 2, étant donné que c'est un jeu à orientation multijoueur, de toute façon t'appartient pas, parce qu'il faut bien te connecter au serveur pour jouer en multijoueur, voilà. Mais déjà que sur PC c'est il y a débat sur le fait que on achète nos jeux avec DRM, sans DRM, machin. Alors sur Stadia, t'achètes plus rien, t'achètes pas ton jeu, là c'est pas possible. Voilà, et je pense qu'ils ont eu ça, et du coup ils se sont dit bon, on va compenser, on va proposer le truc gratuitement en 1080p, et ensuite faut payer pour la résolution supérieure. Mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, c'est que Google avait une idée en tête. Que les développeurs ont dit non, nous on marche pas. D'accord. On marche pas, donc ils ont dû changer leur plan. C'est ce qui se passe sur plein de marchés. Généralement, t'as un acteur un peu majeur qui a une vision, mais il est ralenti par des acteurs historiques. Après, si d'ici 2-3 ans, les mecs ils voient que ça marche et tout, ils vont peut-être se retourner de nouveau vers ce mode-là. Mais c'est vrai que c'est le côté pétard mouillé que j'ai ressenti à l'annonce. Ouais. C'est pour ça que j'étais à la fois content, parce que je me suis dit, c'est bon, c'est pas la concurrence qu'il y aurait qui me faisait un petit peu peur. De l'autre côté, j'étais un peu déçu, parce que je me suis dit, ouais, mais bon, ça fait quand même un peu pétard mouillé leur annonce, quoi. Enfin, c'est surtout le modèle économique. Voilà, techniquement, technologiquement, on n'aura pas la réponse avant la fin de l'année, ça, on ne saura pas. Mais franchement, l'orientation économique qu'ils ont choisi, moi, ça m'a fait pétard mouillé quand même. À voir. Puis c'est pareil, l'annonce, prenez notre pack exclusif, machin, à 125, 150, 160. Eh oui, où t'as le avec Chromecast la manette Ultra. Voilà, plus le Chromecast Ultra, parce que ça marche pas avec le Chromecast de base. Pour le moment. pour le moment. Ouais, ça aussi, ça m'a un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre aussi, c'est que, pour le moment, ça marche qu'avec le Chromecast. Ça marche pas avec Chrome, ça marche pas. C'est pareil aussi, t'as l'impression qu'ils t'avaient annoncé, ça va marcher sur tout. Puis qu'au moment où ils font l'annonce, non, ça marchera pas sur tout. Je pense qu'il faut à terme, ça va arriver, mais ça fait un... Bon, après, Google, il... Ouais, enfin, j'allais dire, il débute. Ouais, non, quoi, quand même, c'est pas des lapins de 6 semaines non plus, faut pas déconner. On a sélectionné 2 sujets pour lesquels vous allez pouvoir voter pour le prochain AFK, donc pour le 8e numéro. Ce qu'on vous propose, c'est soit un échange, une discussion, un débat sur le patient gaming. On a eu l'occasion d'aborder ça un petit peu la dernière fois. C'est sur le fait d'être patient et pas forcément... Pas acheter ses jeux à la sortie, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et le deuxième sujet, c'était le pixel art dans le jeu vidéo qu'on a vu émerger il y a à peu près... une dizaine d'années, ou du moins son retour. Son retour. Et qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça va donner, etc. Voilà, toute une discussion autour de ça. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir discuté jeux vidéo avec moi. Et on se retrouve pour le 8e numéro. Salut. Salut.